Vous êtes en forme, que vous êtes heureux, que vous avez fait l'amour, pour ceux qui ont l'âge, évidemment, hein, oui. Et qui avaient des préservatifs, hein, pas les plus jeunes. Vous avez passé un bon moment, vous avez été heureux. Ça a été ce week-end, Julie ? Malade encore, hein. Ouais, mais sinon aussi, ça va. Piet, qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end ? Oh, je peux pas raconter. Et ta journée, c'était comment ? Pourquoi tu peux pas raconter ? Bah, devine. Parce que je m'en souviens plus. Encore ? Il écrit sur son nom. Il faut regarder le rapport de police et tout. Puis il y a tout marqué. Le lendemain, il lit le journal, hein, pour savoir ce qu'il a fait. Ça va, mon Guigui ? Ouais, bien. Ça va mieux, tes hémorroïdes ? Oh. Allez, 19h01. Oh, les gars, on est en famille, ça va. Il va dire ça au CSA. Et ben, je t'ai ramené une photo, justement. Non, ça va bien. Eh bien, il est en forme. Ouais, on l'a mis en cure. Le public va bien. Ils sont beaux. Et je les vois derrière mes lunettes de soleil. Hein. Ce soir, je me la raconte et toi, avec les lunettes mon de soleil. Coco, alors J'enlève pas mes lunettes de soleil parce que derrière mes yeux pleurent. Donc, oui, c'est moche. Vrai. C'est pas très beau. Parce qu'il est ému de vous voir. Ouais. Ça me fait quelque chose. Hein. Ça me... Non, mais je suis malade. Voilà. Ouais. Ça m'est tombé dessus hier et j'ai passé la journée à mater la télé. À chaque fois, je dis, allez, je me lève, j'ai un rendez-vous, et je suis resté couché toute la journée. Mais dis pas ça, dis que tu t'es battu avec 15 mecs, et puis bon, il y en a sur les 15, il y en a un qui t'a mis un, mis un truc. C'est surtout, les gars, on devait passer le code ce matin. Alors, tu crois quand même pas que j'allais passer le code avec de la fièvre, une caméra sur ma gueule, avec une sale tête. On est d'accord. Ah non, mais du coup, on n'a pas pu passer le code avec la poste. Ils nous le donnent, puis on en peut. Attends, et à un moment donné, à la poste, je suis un client depuis des années, dès que j'étais gamin, j'achetais des timbres, ils peuvent quand même le donner, non? Alors, je fais la queue longtemps. Ils peuvent me le donner, la poste. On va le passer la semaine prochaine. Oui. D'accord. La semaine prochaine, ça y est, on y va. Mais donc, je voudrais quand même dire, moi, je me souviens quand j'étais gamin et que j'étais malade, je me faisais beaucoup chier. Ouais. Et je voudrais remercier Dieu. Pourquoi ? D'avoir inventé Netflix. Ah. Ouais. Ah. Parce que tu te fais beaucoup moins chier quand même. Ouais, mais au bout d'une journée devant la télé, t'en peux plus. J'ai maté 6 films. Là, j'en étais encore. J'ai maté plein de trucs. Je voulais attaquer une série, mais je me suis dit non. Ça c'est vachement bien. T'as maté quoi de bien ? Mais j'ai revu que des films que je voulais voir. J'ai revu Le Loup de Wall Street, machin et tout. Ah, des trucs tous différents. Et voilà, et c'est une tuerie, t'es là. Je peux pas passer une journée devant la télé, je deviens dingue. Moi. Bah, quand t'es malade, tu fais quoi ? Tu fais des roulades dans la rue ? Tu fais quoi ? T'es malade ? Ah ouais, mais je sais pas, tu deviens fou à regarder la télé. Ouais, mais... tu joues à la console, c'est bien. Ah, j'étais bien. Tu joues à la console ? Moi, j'aime bien regarder la télé. Non, ça, j'ai pas envie. J'avais pas envie de rien, j'étais comme ça. J'ai mangé mon petit morceau de poulet ce midi sans émotion, sans goût. Puis alors, sans goût ? Oui, sans parce que, comme en plus, j'ai le nez bouché. Et ils m'ont donné des trucs à la cortisone pour que je puisse faire l'émission ce soir. Donc, patate d'enfer. Hein. Le gars, il m'a dit c'est ça ou cocaïne. Ouais. J'ai dit non, je prends pas. Bah, il m'a dit cortisone. Donc, j'ai pris ça pour être avec vous ce soir. Mais résultat, tu sens plus rien. Ouais. Autant vous dire que cet après-midi, j'avais le nez au-dessus de 4 bougies odorantes chez moi. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel ? Ça sentait plus rien. Et le goût, pareil. Ah, bah, le poulet, je sais pas si j'ai mangé du poulet, peut-être un morceau de fromage à un moment donné. Tu souffres donc d'agueusie. Oui. sans préventif. Gezi, le goût. Ah, ça. Allez, on fait un bisou à qui ? Célia, c'était comment ta journée, ma chérie ? Ça va tout le monde? Non, ouais. Ça ne va pas, ne pose pas cette question. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, vous aussi, vous êtes malade. Il faut que ça se rétablisse demain, je te jure. J'ai mis un snap tout à l'heure sur mon snap Koyoff. Là, j'ai dit, je suis malade, j'ai eu plein de messages qui disaient, moi aussi. Tout le monde est malade. Mais il fait froid en même temps maintenant, ça y est, hein. À part dans le sud. Ouais. Putain, mal partout. Ah, ben moi, je viens du sud et il fait froid aussi. Ah bon? Je jure, il fait froid. Il fait combien? Ah oui. Il fait à peu près, bon là ça va, il fait 15 degrés, mais ce matin quand je me suis levée, il faisait très très froid. Ah oui, mais ce week-end il a fait beau, non ? Comment ? Ce week-end, il a fait beau. Moi, j'ai ma maman qui est dans le sud. Elle est en maillot de bain sur la plage. Ouais. Ouais. Ouais. Alerte, là, tu vois bien que ça dépend où. T'es où, toi ? Parce que moi, je suis de Bayonne, à côté de Biarritz. Ah oui, d'accord. Il faisait froid. Ah oui, c'est pas la même. Il faisait froid. Bon, et la journée, c'était bien ? Bah ça va, ce matin c'était bah, j'avais cours et cet après-midi on n'avait pas cours parce que les profs ils ont annulé parce qu'ils avaient des réunions. Et du coup bah, je me suis reposée parce que moi aussi je suis malade. Alors j'ai regardé des films avec un chocolat chaud. Trop bien. Tu sais quoi, on était raccord toi et moi. C'est vrai, non. On était à 600 km l'un de l'autre, voire 700 km, mais on était dans notre canapé avec. On était raccord, voilà. Moi, qu'il y en a qui bossent. J'ai froid toute la journée, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Toute la journée, j'ai eu froid. Il n'y a pas de chauffage ici. Ah bah, hey, Jean-Paul, écoute. Autant, il y a pas de chauffage d'hiver. Attends, l'histoire. Enfin, ça coûte cher. Hein. C'est ça, mise en demeure. Hop, fermeture du chauffage. C'est comme ça, il nous a dit la prochaine fois, je vous coupe l'eau dans les chiottes. Moi, il me l'a dit. Hein. Non. Ah, il m'a dit prochaine mise en demeure, vous venez avec votre seau d'eau quand vous faites caca. Il me l'a dit. Je te fais un gros bisou, Célia. Je t'embrasse, ma chérie. Bisous, au revoir. À bientôt, porte-toi bien. Merci d'être avec nous tous les soirs. On est là. Bisous. 19h, 22h. Si vous n'avez pas été voir les vidéos ce week-end, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Tal qui piège Kenji, qui était notre invité la semaine dernière. La tête de Kenji, elle est énorme. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fera? On aura Lily. Tu bouges pas, Lily? Ah bah, tu bouges pas. Je crois que oui. Sur Énergie. De tension. Mais on est là. Même malade, je je suis là. Le docteur, il m'a dit, je vous arrête. J'ai dit non. Je veux venir voir le public parce que ce soir, pour le public, j'ai un cadeau de ouf. Ah. D'habitude, je fais morfler plein de gens dans cette équipe. C'est pour le cadeau, c'est pour le public ou c'est pour C'est pour le public. Ouais, ouais. Public ouais. Il y en a pour tout le monde. Ouais, on peut. Écoutez-moi bien. Je vais vous permettre, le public, peut-être de gagner 1 million d'euros. Wow. Bah. Ou d'inviter l'un d'entre vous au restaurant tous les soirs. Ouais, et plus oh encore, regarde. Peut-être une tablette. C'est pas peut-être. Galaxy hein. Tab. Et là, ils se disent, elle est où l'embrouille? J'avoue, ils ont bloqué en fait. Ah ouais, attends, j'annonce une bonne nouvelle. C'est fou ça quand même. En théorie, tu fais un truc normal comme ça, les gens ils disent oh, ouais, moi je fais ça, ils font. Ouais, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? T'as vu comment c'est accueilli? Non, mais c'est quoi cette histoire? Alors, je vous ai mis les tickets à gratter, je vous ai mis les bons pour la tablette, je vous ai mis les bons pour le repas, je vous ai mis tout ça dans un grand bocal qu'il faudra aller chercher au hasard. Tout ça sous un millier d'insectes. Si vous le voulez, eh ben il faudra aller fouiller. Allez. D'accord. Ah, ils ont une bonne tête, vite, on va faire une photo. Ils ont une très bonne tête, j'aime bien. Attends, je vais faire une photo. Bon, il y en a qui sont plus motivés que d'autres là. Ah, j'avoue, coup, là. Ouais. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup, il y a une tablette Galaxy Tab 4 et tout. Pourquoi tu m'enlèves le mic et le casque? Mais qui t'a dit que je voulais y aller? le mec, je suis en train de me lever, il y a Guillaume, il arrive, il prend mon casque, il l'enlève. Et enfin, Guillaume. Qu'est-ce que tu te permets? Mais non, je vais prendre un selfie d'ici, j'ai pas besoin d'aller me coller à eux. Il est malade, voilà. Il va pas se coller aux public, gens. Faites coucou comme ça, voilà, tac. Allez, je vous mets sur mon Insta à 8000 likes, on sort les insectes. Ouais, allez. D'accord? Allez, mais il y a des cadeaux, il y aura peut-être jusqu'à 1 million d'euros. Le million! Et il y aura une tablette aussi hein, dans le bocal, pas la tablette en entier, ouais. Le bon pour la tablette. Hein. Pour ça, à 8000 likes, je vous mets sur mon Insta Koé officiel, vous likez, si c'est à 8000, ils mettent la main ou. La tête. Oula, on verra. Non, pas la tête. Ça dépend avec quoi il va l'attraper ça la dépend, ah, ça ouais. Dépend. Attends, je dis ça, Julie, je dis rien. Avec le zizi, ça marche pas. Ah non. On va pouvoir pincer. Puis ça peut mordre. Eh oui. On n'a pas dit ce qu'on a mis dedans. Voilà, hein. Hashtag Koé saison 7, on est entêté. Ah oui. Ah déjà? Ah déjà. Mais sans le demander. Non, bravo, c'est bravo, magnifique. Bravo. C'est parfait. Merci mes amis. Est-ce qu'on peut mettre un autre hashtag eh ben, du coup, je vais vous rajouter un autre hashtag parce que le 19 on fait une émission spéciale au Parc Astérix. C'est ouais. Les vacances qui auront débuté. Oui. Oui. Donc les vacances le scolaires auront débuté même. Pile poil. Donc nous on décide d'aller au Parc Astérix. Vous serez avec nous. Je vous offre des invitations et des places, comme on dit dans notre métier, des places sèches. C'est-à-dire que vous n'avez pas le transport, vous débrouillez pour venir. Mais par contre pour vous, vos potes, peut-être même, je ferai même gagner peut-être une classe. Ouais. Pour vous invitiez pourquoi toute pas. Votre classe et vous arriviez excellent. Le lendemain en cours en disant hey, les 30 là. Parc Astérix, c'est cadeau. C'est mortel. C'est beau ça. C'est Coco qui offre. C'est bon, non? Allez. Allez, hashtag avec Koyo Parc Astérix. Vous nous faites tourner ça sur Twitter, vous nous le mettez en TT et je vais prendre des noms toutes les. J'en ai combien à faire gagner? Donc je peux aller en prendre plein toute tu la soirée peux, tu peux faire plaisir. D'accord. C'est toute la semaine. Hashtag avec Koyo Parc Astérix. Vous nous mettez ça sur. Si vous n'avez pas Twitter, c'est pas très grave. Hein. Vous allez par SMS 611-12 en mettant Koyo au début de votre message. Et c'est la journée au Parc Astérix et en plus le soir pour assister à l'émission avec. Avec qui? Je te laisse l'annoncer. Avec Black M, avec qui Black sera M. Notre invité. Donc, voilà. Donc pendant que vous ferez l'émission avec nous le soir, et en plus vous verrez Black M, on se fera quelques titres avec lui. C'est bon, non? Oui. Allez. Tout à l'heure, c'est Boosty qui est notre invité. Et pour l'instant, on a Lily. Ça va, ma petite Lily? Bonsoir, Koé. Bonsoir, toute l'équipe. Ça va, Lily? T'es en forme, Lily? Ça va, merci. Vous allez bien? Mais ça va bien, ma belle, ça va bien. Donc je répète, hein, si vous êtes chez vous à la maison, 612 par SMS pour gagner vos invites pour le Parc Astérix ou hashtag avec Koé au Parc Astérix. Si vous arrivez à nous mettre double TT entre ça et Koé saison 7, vous êtes les meilleurs du monde. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? En fait, je fais de la musique, mais j'ai une voix un peu bizarre, on va dire. Parce que je suis née comme ça et donc en fait je voulais avoir l'avis du public si ça plaît, si ça plaît pas. Tu m'as envoyé un mail, si tu me dis je vous envoie un message. Je vous envoie un message parce que je suis passionné par la musique. Le seul bémol, alors c'est pas un c'est bémol. Un bémol. C'est un bémol. Pour quelqu'un qui est passionné de musique, c'est un bémol. Parce ouais. Qu'un bémol, c'est un bémol qui l'a. C'est pas ouais. Pareil, c'est pas la même signification. Les bémols. Et il me dit c'est que je parle du nez. Je me suis déjà fait opérer à l'âge de 12 ans et à 23 ans, ils ont découvert en fait que. J'ai eu, ce que j'ai eu est un accident. Ah bon? C'est une malformation du voile du palais. D'accord. On va dire. Et ça te fait parler comme ça. Ouais, voilà. D'accord. Mais ça veut dire qu'avant l'opération, tu parlais encore plus comme ça? Oui, voilà. Ils auraient, t'aurais dû le garder, t'aurais fait des doublages de dessins animés. Oui, ouais. Alors, attends, t'aurais vu dans tous les dessins animés. Comment ça va? Ça va super, mais il y a le même chant qui est là-bas. Tu fais bien, toi. Mais attends, bon, alors. Et tu chantes? Oui, voilà. J'ai la musique comme patient, en fait. Et quand tu chantes, comment ça se passe? Ouais. Ça disparaît ou pas? Non. Ah, j'y chante. Parce que des fois, il y a des accents. Regarde, les Canadiens, par exemple, quand ils parlent, tu les comprends à peine. Et dès qu'ils chantent, ils perdent leur accent. Heureusement. C'est plus mal. Parce que sinon, ce serait très dur. Eh, mais comment ça se fait? Eh, je sais pas. Ça, c'est bizarre. Il n'y a qu'avec eux que ça fait ça. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as écouté? Oui, c'est toi qui nous as envoyé mes chansons, là. Elle te balade, je la connais. Je connais aucune de tes chansons. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Elle te balade. C'est des compos personnels? Non, ça, c'est des reprises de Jul et de LCH, on va dire. De Jul et de LCH. Remarque, tu peux faire Jul sans aucun appareil. Ouais, tu peux faire les Daft Punk aussi. Je te fais des bisous. Tu sais que Julie, il en chie, mais beaucoup d'appareils pour avoir cette voix-là. Toi, tu peux le faire naturellement. Bon, elle te balade, c'est de qui? C'est de Jul. Ah, vas-y. Tu as joué, tu as fini par me perdre, mais tu as cru que j'allais pas parler, je vais me taire. Au début, c'est moi qui pleurais, pour toi, c'est la fête. Aujourd'hui, faut quand même chanter, j'ai juste un peu comme ça. Paroles, si jamais su. J'ai nommé sur le panneau comme une colle. C'est peut-être pas un bon exemple. Je la connais. C'est qui la chanson? Je la connais, c'est de qui? C'est de SCH. Putain, mais tu prends que des trucs que je connais pas. SCH. SCH. C'est un rappeur marseillais. Mais prends des reprises, je crois que je connais. SCH. J'ouvre mes paupières. Je me trompe qu'il y a devant moi. Je te parle d'une créature de rêve. Je pourrais même lui faire amour. J'y vais sans bouche. Sans prénom, j'en ai rien à foutre. Je le sais, je l'avoue. J'aimerais bien écouter la version originale. Quoi que je veux maintenant. Ouais, je m'en pas côté. Arrête. C'était Yannick. Lili. Oui. Je veux vraiment pas te faire de peine dans ce que je vais dire. Oui, mais oui. Je crois que t'as pas mis une note juste. Pourtant, je me connais. Je crois que t'as trouvé le moyen de faire toutes les notes à côté et même la machine, elle te les a replacées encore à côté. Ah ouais, le premier, ça allait encore. Là, le deuxième, non. Mais là, mais même le démarrage. J'ouvre mes paupières. Mais tu veux vraiment faire ton métier? Attends, il y en a d'autres. Une autre. Je rêve, c'est de qui? C'est de qui je rêve? Je rêve, c'est moi. C'est moi-même c'est qui l'a écrit. Ah, alors vas-y. Et Lily, Fit ND, c'est quoi? Oui, c'est nous-mêmes qui l'avons écrit aussi. On est tous à bombe, bombe, on va te bomber, bomber. Tu crois qu'on rigole, rigole, plus le time et tu le sais. C'est bon, on est tous en nombre, on va tous en biencer. Tu vois, rien je suis dans mon aile, avec ce sang, je vais ça va. Plus le temps n'est gay. Plus le temps pour que j'avance, comme si je crache le charbon. Je rêve, je fonce, même si on ferme les portes et je m'arrête pas une seconde. Ouais, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux là. C'est mieux, pas trop, par contre. En fait, il vaut mieux que tu fasses tes trucs à toi que de reprendre celles des autres, hein. Ouais. Oui. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, ouais. Ça va être dur. Mais celle-là, garde-la pour toi. Mais Lily, tu te doutes bien quand t'entends ce qu'on entend là. Tu te doutes bien que c'est moche. Oui. Ah non, mais tu dois bien te douter. Tu dois avoir l'oreille qui saigne un peu. Tu dois te dire, tiens, il y a un truc qui va pas par rapport à l'original. Oui, oui. Et où est-ce que fait, et ben, vite fait au studio, donc. Mais pourquoi pourquoi tu ne la refais pas tant que c'est bien et quand c'est bien, tu l'enregistres? Remets, continue, je vais écouter la suite là. C'est Julie dans les cœurs. C'est moi. Je vais me prendre dans les temps. Non. Je vais me prendre dans les temps, je sais pas. Mais attends, mais par contre, t'enregistres ça où? C'est en studio? Oui. Parce qu'il y a de la prod derrière. Ça, ma chérie, je crois que ça te coûte cher pour rien. Vaut mieux que tu travailles un peu et que t'arrêtes d'aller en studio parce qu'ils te prennent de l'argent à chaque fois. Hein. Aïe. T'sais, dans ces cas-là, il vaut mieux que tu bosses chez toi et quand c'est bon, là, tu le fais en studio. Je te fais un gros bisou et continue de bosser. C'est pas la voix qui parle du nez, le pire. C'est que ça chante faux. Oui, ouais. C'est ça. Ça, le plus gros souci. Voici Tal, le toc toc toc avec Tal dans quelques jours. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs, on ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut, hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come, come. So fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie. Au loin la peur qui s'en va. Passe les jours et les combats, combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps on n'a pas le choix, combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut, hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. Come, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Dans quelques jours, je vais vous amener Tal chez vous avec le Toc Toc Toc. Je vous dirai, pour l'instant, continuez de vous inscrire, c'est sur energie.fr. Vous êtes oui. Droit à me dire comment je m'inscris. Allez sur energie.fr, il y a une fiche, il y a tout. Vous serez tiré au sort. Et cette semaine, ça y est, c'est cette semaine, je viens chez vous avec l'équipe pour le range ta chambre. Ça y est. Ouais. On dit pas quel jour. Si vous vous êtes inscrit, tant mieux pour vous. Ça veut dire que je peux arriver n'importe où en France. Avec l'équipe, on range votre chambre et tout, et j'espère que vous l'aurez pas rangé la veille. C'est bon, c'est ça, là que le mec qui range la veille. Non, non, il faut pas. Et on, bah tant pis, sinon c'est pas grave, on la resalira. Ouais, voilà, ah, on va gêner, hein. Dérange ta chambre, ouais. Allez, tout de suite. Une seule radio joue tous les hits. C'est Énergie. Tout de suite, avec Intermarché sur Énergie, on reçoit un invité surprise. Salut, c'est Olivier Dion, je suis d'Artagnan dans le spectacle musical Les Trois Mousquetaires. Et c'est au Palais des Sports de Paris. Oui, c'est l'endroit idéal pour ce spectacle à la fois musical et plein d'aventures. Super, merci Olivier. Et à très vite dans les magasins Intermarché pour l'anniversaire des Mousquetaires, plus que jamais unis contre la vie chère. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. C'est le début de l'année et Maxime est un peu inquiet. Nouveau lycée, nouveau prof, il se demande s'il va s'en sortir. Surtout que le programme n'a pas l'air simple et qu'il n'a pas fait de trigonométrie depuis 1976. Pas facile pour aider Léa, sa fille. La scolarité peut être compliquée, pour les enfants comme pour les parents. C'est pourquoi Acadomia propose à votre enfant des cours en petits groupes pour progresser dans les matières clés et optimiser ses méthodes de travail.

parc Astérix. Qui vont venir avec nous, qui assisteront à l'émission avec Black M qui sera notre invité, hashtag au parc Astérix avec Koé, allez-y, ou avec Koé au parc Astérix. Avec Koé. Tiens, allez, je vais appeler du monde parce que généralement vous dites ouais, on va laisser des hashtags et tout machin et vous n'appelez pas des gagnants. Je n'appelle pas de gagnants, moi, c'est à moi que tu parles. Toi. C'est à moi que tu parles. Toi. Première émission en France, c'est à moi que tu. Vanessa. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Koé, comment ça va? Ça va très bien. Je vais faire comme Robbie Williams. Ça va, chouchou? C'est trop mignon. Oui, chouchou. Bon, dis donc, tu ne te serais pas inscrit pour venir au parc Astérix avec nous? Si, bien sûr. Bah, cache ta joie si je te dis que tu viens avec nous. Ben, merci beaucoup. Ah bon? Ah, quand même. C'est le minimum. Ouais, tu imagines, je croyais qu'elle allait me dire, oh, finalement, j'ai regardé. Non, bon, finalement, je peux pas. Non, je le sens plus. Je te fais un gros bisou, ma Vanessa. On se verra là-bas. Merci. C'est le mercredi 19 octobre. Oui, t'inquiète, on va lui repasser Stouff qui va lui redonner la date et toi, elle ira la chercher chez elle par la peau du callback s'il faut comme ça. Bisous, Vanessa, je t'embrasse. On appelle à quelqu'un d'autre. Tiens, on va appeler un Valentin. Valentin. Avec que des prénoms. C'est mignon, Valentin. Ouais, j'aime merci. Pourquoi oui, merci. Très belle intervention. Donc, ouais, t'aimes c'est pas mignon, Valentin. C'est mignon comme prénom. Bien français. Bien UMP l'arrêt sur le côté. Oh. Allô, Valentin l'arrêt sur le côté, comment ça va? C'est pas possible. C'est Koé, t'es en forme? Oh non, Koé, ça fait trop plaisir. Voilà, voilà. Ça fait plaisir. ça fait plaisir. Ça fait redistribuer du bonheur. Est-ce que t'as l'arrêt sur le côté? Pardon? Est-ce que tu as l'arrêt sur le côté, les cheveux qui partent sur le côté? Non, pas vraiment. Non. Ah, t'es Valentin rebelle, toi. Valentin, tu seras avec nous au parc Astérix, mon pote. Oh, trop bien, merci. Tu vas avec qui, Valentin? Avec qui tu vas venir? Alors moi j'aimerais venir avec tous mes potes, j'aimerais emmener tous mes potes. Ouais, t'emballes pas non plus. Si. Ah ouais, on a promis, on a dit que c'était possible. Ça dépend combien de potes. Ouais, combien? D'accord. Bah, c'est une dizaine de potes. Ah quand même, tu te fais pas chier toi, hein. On donne ça, tu prends ça. Hein. Allez, vas-y, c'est bon, on va te repasser ce truc, d'accord? Allez. C'est énorme ça. Bisous, merci beaucoup, merci. Tu vas kiffer avec tous tes potes, ça va être bien. On sera une émission spéciale, je fais une bise à Bordeaux où j'étais samedi soir, il y avait plus de 6000 personnes à la plage. Ah oui, à la plage, ça s'est bien passé. Magnifique. Et c'est le match de rugby, du coup, t'as pu magnifique. Faire bah, j'ai pas pris froid, Sandra. J'ai un peu frais, allons. Mais ah oui, j'ai vu tes snaps avec les rugbyman et tout. Dément. Ah oui, t'as vu? Bonne table de rugbyman. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu alors les danseuses, ils ont pas aimé. Et ce week-end, là, il y a un one man à Samé, c'est dans le Nord. Les mecs, ils ont reçu les affiches, ils ont pu ouvrir ça qu'il y a 3 semaines et je crois que ça cartonne déjà et tout, ça remplit super vite, c'est super. Génial. Et à Saintes le samedi soir pour un mix. Ah, carrément. Voilà. Et je meurs le dimanche. Ouais, bah oui, hein, c'est programmé. Non, bien dimanche, Royan, sur la plage, en mode détente. D'accord. Avec un petit rayon de soleil. Guiguette, on en est comment sur le défi? On a 2000 likes sur le défi des insectes. Eh, le public! Ça se rapproche, on est en train Il y a des cadeaux, les gars. Là, les insectes, on est en train de les affamer, là, pour que dès que vous mettez la main dedans, ils sont morts. Ça va être violent. Car moi, ce soir, je suis entre. Dès qu'il y a le double hit Soprano, je vous invite tout frais payé au live session de Soprano en haut de la Tour Montparnasse. C'est bien, ça, non? C'est mortel. Vous avez tout frais payé, le déplacement, la totale, l'hôtel. Vous verrez Soprano, mini concert, très privé, quasiment que pour vous. C'est bon, ça me fait kiffer cette histoire. Moi j'ai envie d'y aller aussi. Ah, tu ne pourras pas. Pourquoi? Boosty sera notre invité tout à l'heure. On fera du question pour IUF d'ici quelques minutes. On aura pourri le match. Ah, il y a un match ce soir. Bah oui, ce soir, ouais. C'est qui contre qui? France-Pays-Bas. France-Pays-Bas. Ah, ouais. D'accord. Ah, je suis complètement largué. Ah oui, t'es largué. Eh ben, il y aura quelqu'un qui va pourrir le match. On l'aura au téléphone. Voilà. Et pendant que la personne regardera le match, on lui dira coupe la télé. Oui. Le coup de la télécommande, ça marche beaucoup. Et là, c'est un mec qui est dans son internat en plus. Eh ben, on s'occupe de ça tout à l'heure. Ils ont le droit de mater le foot à l'internat. Oui, pourquoi? Ah oui, pourquoi pas? Bah, excuse-moi, la vie est belle, un lundi soir. Bah oui, ça va. Bah, ils ont une salle télé. Ah ouais, ça va. Tu dois être lycéen, je suppose. Non, bah, oui. Ah, c'est bien. C'est pas une maternelle. Sac Noël et Sean Paul, c'est ça? Avec Bob l'éponge. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, size big activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. laugh watch when you bubbly bubbly. Serious thing it and a comedy comedy. And them say you have the comedy comedy. So me won't get some and come trouble trouble. Bust two buckle of the bubbly bubbly. Calling two friend and then doubly doubly. Girl so hot she a bubbly bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Honey look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Trumpets blow. D'être à une cousinade. T'es content d'être avec eux, tu te confies, tu te marres. Mais t'es bien content que ça se passe pas chez toi tellement c'est le bordel. Koé, 19h-22h sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, hashtag. Si vous aussi vous voulez partir avec vos copains au parc Astérix avec nous faire l'émission et voir Black M en live pendant l'émission, hashtag avec Koé au parc Astérix, ça et Koé ses ancêtres, vous nous le mettez entêté. On n'est pas encore entêté avec ça, hein. Pas encore. C'est pas ce que fait Loris, mais c'est sa faute. Qu'est-ce que tu fous, Loris, là ? Moi, j'ai de la fièvre. J'annonce. Ah ouais, t'es chaud, t'es bouillant. Ah, reste loin. Ah ouais, je l'ai touché. C'est contagieux. Je fais partie des animateurs les plus chauds de ta région. Mais c'est vrai que là. Ah ouais, là, t'es chaud, je t'ai touché, t'es bouillant. Enfin, Julie, tu peux éviter de dire ça devant tout le monde. Les gens, ils vont. Et tu vois, après, ça va vite. Ça y est, ouais, couche ensemble. J'ai touché ton front. Ouais, ce métier, c'est Sodome et Gomorre. Tout le monde couche avec tout le monde. Enfin, ah, Julie. Non, je vous rassure que non. Je vous rassure, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, rien. Bah, on a le droit de coucher entre nous si on veut avec Gaëlle. Coucher entre Christophe, vous si on a envie. Une très belle histoire d'amour, toi et moi. Ouais, tu crois ? On n'est pas du tout sur les mêmes. Ah non, tu m'aurais cassé les couilles. Ah ouais, ouais, moi je suis premier du matin, dîner déjà. Du soir. Je vais prendre un hamburger, mais alors des hamburgers, je vais prendre sans patates. Déjà, j'aurais pas pu. On s'entendrait pas du tout. Oh non, demain, Alan Walker. Au lit peut-être si. Non. Si. Oui, mais pas aux mêmes heures. Bah oui, pas c'est le vrai, matin. C'est vrai. Ouais, en fait, c'est ça le problème. Vous seriez pas raccord. Non, c'est vrai. Mais donc, peut-être c'est sur les mêmes attentes, effectivement. Ouais, mais pas la même heure. C'est ça qui est con. Les mecs qui ont les mêmes envies, mais il y en a un qui a envie, pas l'autre. C'est ça. Attends. Il y aura Zara Larsson qui vient nous voir mercredi. Les fans de Zara Larsson, les Larssonettes, les Larssonaises, pas comment on dit. Elle sera notre invitée. Ou peut-être jeudi. Ah, bah, de toute façon, dans la semaine. Ça va dépendre. Avec nous, il y aura Souf. Ça, c'est jeudi soir. J'adore. Et alors, les fans, vous m'avez demandé ce week-end, elles vont revenir, on va faire un truc avec elles. Fifth Harmony sont nos invités dans quelques jours. Et le toc toc toc avec Tal, je vous l'amène chez vous à la maison. Elle chantera, elle viendra vous faire un bisou, un câlin dans le salon. Vous allez kiffer, vous serez content. Voici question pour un yeuf, on a le temps de le faire maintenant ? Oui. Vous connaissez le principe, nous appelons deux personnes âgées et on leur pose des questions de jeunes. C'est celui qui s'y connaît le mieux en question de jeunes. Oui. On y va, c'est parti. Qui gagne rien du tout. Rien du tout. Mon père, il a cartonné l'autre fois. Ouais. Je viens de t'acquitter. Ton père, il était très fort. Ouais. Mais avec toi aussi, tu t'y connais en jeune. Allô ? Oui, forcément. Allô ? Marie-Christine ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Koé, on est sur Énergie. Comment allez-vous, Marie-Christine ? Oui, bien, vous ? Eh bien, ça me fait plaisir de vous parler. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Ah oui, très bonne. C'est vrai, vous avez fait quoi ? Rien, c'était mon jour de repos, j'ai été me balader. Bah, Il y en a du monde qui a rien branlé aujourd'hui, hein. C'est ça, quand on est fonctionnaire. C'est souvent un jour de repos chez les fonctionnaires. C'est ça. C'est-à-dire que c'est même difficile de faire la distinction entre le jour travaillé et le jour de repos. C'est ça. Si ce n'est l'endroit. C'est quel jour, comment? Ah, je suis au bureau. Non, ça va, c'est un jour de repos. Ça va, dites-moi, j'ai chopé une grosse grippe, la crève, machin et tout. Vous n'avez pas une petite technique pour que je me soigne? Allez, salut, c'est le docteur. Merci beaucoup. C'était le conseil du jour. Merci beaucoup. Bon, alors pour la peine, pour vous mettre en face de vous, je vais vous appeler Josiane. Vous ne connaissez pas Josiane, mais vous allez la connaître. 81 ans, Josiane. Oui. Oui. C'est beau, hein, moi j'aimerais bien aller jusqu'à 80 ans. Ah oui, moi aussi, j'aimerais bien. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Piet? 80 avec la vie saine que t'as, tu vas aller beaucoup plus loin, toi. Non, c'est pas sûr. Allô? Josiane? Oui. Bonjour, c'est Coé, on est sur Énergie. Vous allez bien, Josiane? Ouais, ça va, merci. Ça va, vous êtes en forme? À peu près. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Vous avez pris froid? Non, non, c'est bon. D'accord. Je suis tombé en skate cet après-midi. Elle a une voix jeune. Ouais, vous avez une voix jeune. Josiane, je vous présente Marie-Christine. Marie-Christine, je vous présente Josiane. Bonjour, Josiane. Bonjour Marie-Christine. C'est magnifique, on dirait un affrontement, c'est juste avant le duel. Voici trois questions. Écoutez bien mes propositions. Voici la première. Comment dit-on, à ce qu'il paraît, en langage jeune? Je ne savais même pas. C'est le titre du prochain. Comment dit-on, à ce qu'il paraît, en langage jeune? Miskin, bédave ou askip? Askip. Qui a dit ça? Marie-Christine. Josiane, vous diriez quoi? Miskin, bédave ou askip? Miskin, bédave ou askip? Alors, je peux. Miskin. Bédave. Bédave. Ou askip, ça va être long. Ou askip? Ouais. Ouais. Waskip. Waskip, c'est askip. À ce qu'il paraît, donc c'est ça, c'est askip. Très bien. Bon, bonne réponse. On continue. Okay. Je savais pas. Non. Pardon, bah, mais c'est même le titre du nouveau Black M. Oui, bah c'est pas parce que c'est le titre du nouveau Black M que je le savais. C'est un mot connu, quoi. Voilà, on continue. Ouais. Comment dit-on tranquille ou sans pression en langage jeune? Ça, tu sais. ULM, au calme ou OSB? OSB. OSB, dit Marie-Christine, ça c'est très au calme. Tiens, pour le OSB. Au et calme. Josiane? Au calme. Ben oui, Josiane. Bah, au donc, calme. Elle est bien, au calme, quand t'es tranquille, c'est au calme. Ça s'écrit O-K-L-M. Au calme. D'accord. Vous êtes à égalité. Voici la dernière question qui va vous départager. C'est sanglant, c'est terrible. Comment appelle-t-on une maman sexuellement attirante en langage jeune? Une quoi? Une timpe. Une timpe, ouais. Les mecs, vous créez des mais mots. Si, hein. Mais si, non, vous venez de Verlan un peu. Mais là, faut pas le dire, faut pas le dire à l'endroit non, du coup. Non, faut pas le dire à l'endroit. J'ai jamais utilisé ce mot-là. Tempe. Mais si, arrête, ça me fait une tempe. Arrête. Bah, je dis pas ça moi. Ah bon? Une tempe. Enfin bon. Une tempe, ouais. Une chaudière ou une milf? Une chaudière. Qui a dit ça, Josiane? C'est Marie-Christine. Marie-Christine. Alors c'est Marie-Christine. Et vous, Josiane, vous dites une tempe. La proposition, c'est quoi? Une chaudière ou une milf? Le MILF. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, MILF? Ça veut dire Mother a light of fuck, donc ouais, maman à qui j'aimerais bien faire l'amour. Voilà. Voilà, comme c'est Josiane qui gagne. J'ai traduit CSA. C'est très Josiane, joli. 81 bravo ans qui gagne. Bravo. Elle s'y connaît au MILF. Bravo, Josiane. Au calme, Josiane. Bravo, au calme, Josiane. Au calme, Josiane. Ouais. Gros bisous, je vous embrasse, ouais. Ma Josiane. Ben, merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Qu'est-ce que vous allez regarder ce soir à la télé? Pardon? Vous allez regarder le foot ce soir à la télé? Non. Oh, je pense pas. Non. Je sais pas si c'est ce soir. Que... Non, c'est demain, je crois, que passe l'Odyssée de Cousteau. Un truc de Cousteau. Ouais, oui. Ah ouais, ça me donne le mal de mer, moi, je crois pas. Bon bisous, Josiane, vous embrasse. Qui sont vous qui sommes unis à vie pour le meilleur et le bonheur? vient en place, ni mon histoire, ni les espoirs qu'on se partage. Moi sans vous, quelqu'un parmi la foule, une vie sans plus, une vie de plus qui se déroule. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'épées pour survivre. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Comme tout le monde. Est-ce qu'on n'est rien? Là, bravo, Loris m'a montré double TT. Ah, oui. Ah ça y est. Double TT sur Twitter, vous nous avez mis hashtag Koé saison 7 et juste à côté, vous avez mis avec Koé au parc Astérix. Bien. C'est bien quand même. Et là, je me dis, les autres radios doivent regarder ça ou même les chaînes de télé, c'est les mecs qui s'emmerdent à faire c'est des vrai, trucs. Dis donc. Ils regardent, ils disent, bah nous. Et alors, on a un TT? Bah non. Bah, Koé là. Et il en a deux, lui. Ah, avec ses mises en demeure, là. Il suffit juste de demander, on a. Il a des mises en demeure, lui, c'est pas bien. Vous tapez sur les doigts. Et alors, lui, il est entêté, c'est pas bien. Mais où va la France? Où va la France? Je vous le dis, monsieur. Oui, Guiguette. Je voulais reparler du défi. C'est très bien, Guiguette. Sachant que les TT marchent bien, le défi aussi. Fais-toi plaisir. Eh bien, on a un jeu de ouf ce soir. On va faire une émission. On va faire une émission que le lundi. On fait une grosse émission le lundi, on déchire tout, puis on la rediffuse le reste de la semaine. La même. Vous en pensez quoi? Ça me fait chier. Mais si, parce que tout le monde peut pas nous écouter tous les jours. Un coup ils ont foot, un coup ils ont les devoirs, un coup ils ont machin. Donc des fois, je me dis, on fait des tonnes de trucs, ils écoutent pas. Non, on fait une le lundi, une le mercredi. Mercredi, c'est jour de repos. Ah oui, c'est repos, merde. Alors, vas-y. Alors, on a des cadeaux de ouf pour le public. Un million d'euros à gagner. Un million, y a du ticket de grattage. C'est surtout les insectes qui font marrer. Voilà, plein de trucs à gagner de ouf, mais qui sont placés au fond d'un bac avec des milliers d'insectes. On sait ce qu'il y a comme insectes ou pas. Il faudra aller les chercher. Oui, est-ce que surtout vous me garantissez que c'est pas 4 insectes? Ouais. Ah non, c'est des vers, des blattes, des sauterelles, des mammouths. Et on a mis deux scorpions planqués quelque part. Et on ne dit pas où, ça va. Et on les a insultés pour les vénères. Ouais, ta mère, c'est un frelon et tout. Ouais, ta mère, c'est 8000 likes. Mouche et tout. Très mal. Faut arriver à 8000 là, qu'on en a combien? À 3006. Là. Allez, dépêchez-vous, allez me liker ça, c'est sur mon Insta, hein. C'est pas Twitter ça. Ouais. C'est sur Instagram, Koé officiel, et puis on n'en parle plus. On a un mail et on fait un bisou à Frédéric. Frédéric! Oui. Ça va, Fredo? Ça va. Parce que Frédéric, tout le monde l'appelle Fredo. Donc. Forcément, ouais. Salut, je vous contacte pour voir si c'est possible de faire une émission sur les chiots. Importés de pays étrangers et qui sont malades. J'ai acheté un cavalier King Charles. Celui-ci a de gros soucis de santé et je vais lui faire passer pas mal d'examens. Je pourrais tout expliquer si vous le souhaitez, car un pseudo-éleveur en France se permet de vendre des chiots importés de pays de l'Est, mais ceux-ci sont atteints de maladies. Ah, tu sais quoi, mon copain? On va en parler. On va en parler parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent peut-être qui ont envie de prendre un chiot. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des éleveurs. Autant il y a des éleveurs qui sont déments, qui sont sérieux, qui ont des petits élevages familiales. Ouais. Yo. Autant il y a des gros enculés. Et de vrais, et qu'on n'a rien à foutre des chiens. Ça que pour la thune. Qui vous vendent des bébés chiots en vous disant il grandira pas, tu te retrouves avec un labrador, un truc monstrueux, ils sont maltraités, ils ont la toux du chenil, et qui travaillent, on en parlera après, avec moi ça m'est arrivé une fois, donc là je l'ai vu, ils travaillent avec des vétérinaires complices.

Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouer encore. Bonjour Rémi, juste pour te rappeler que je pars en vacances. Aucun souci Martine, et tu vas où? Eh bien on va faire du camping dans le jardin de mes parents. À moins que tu ne m'apprennes qu'on a des super destinations pour pas cher avec notre mutuelle. Je crois pas, non, mais c'est bien le camping, le retour à la nature, la famille, quelle chance tu as. Oui. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Martine aurait pu bénéficier de tarifs préférentiels pour ses loisirs. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'Internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Slimane. Si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors. Slimane. Son premier album, déjà disque de platine, inclut son nouveau tube Adieu. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Boosty! Il démerde bien, hein? Ah, il est bien ce titre! C'est bien ce qu'il fait. Demain, vous découvrirez Alan Walker. Les Fifth Harmony dans quelques jours. Vous allez kiffer encore. Je voudrais quand même vous dire que dans le couloir, il se passe un grand moment. Hein, parce que on a un assistant qui est en train de préparer les cafards, les blattes et les machins pour que le public mette les mains dedans. Mais il a peur de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il en vide, hein, il fait. Il y a des hurlements. Le Tilbolt, là, il va revenir chez lui en tremblant. Il est en transpi, là, ouais, faut... Mais attendez, pour ça, il faut faire 8000 likes. Sinon, on a pris des insectes pour rien. Il a eu peur pour rien. 8000 ouais. likes sur notre. Ça va le sur faire. Notre Insta, Insta, ouais. Instagram. Oui. Ceci dit, c'est beaucoup sur Twitter ce soir. Hashtag avec Oyo Parc Astérix sur Twitter. Gigad, on est combien? On a 4005. C'est bon, c'est encore bien, 4000, oui, c'est bien. Mais encore 4000, encore 4000, encore 4000, on n'y est pas. Frédéric ? Oui. Frédéric, il n'est pas content, il a acheté un chiot à un éleveur, son chien est malade depuis. C'est un King Charles qui est joli comme tout. C'est mignon. Oui. Ah oui, c'est trop mignon. Moi, j'aime bien tous les chiens, en fait. Je me rends compte que. Mais toi, t'adores, t'es l'ami des animaux. Moi, il y a un chien, je le gratouille tous les matins quand je vais faire du sport, un petit staffy, là. Tu sais, les petits pitbulls. Ouais. Fait des gratouilles, le truc il est là. Tu te dis vaut mieux qu'il soit gentil quand même. Quand t'approches la main. Parce c'est que petit quand même, c'est pas. Oui, ouais, ils ouais. ont tout raccourci sauf la gueule. Hein. C'est-à-dire que tu sens que la gueule elle est c'est quand même. Ouais, c'est elle vrai. Est quand même là, mais c'est mignon. Ouais. Moi j'adore ça. Ouais. Et alors donc qu'est-ce qu'il a ton chien? Alors en fait mon chien il a un problème au niveau des hanches. Il a un craquement sur les hanches et ça fait qu'il peut avoir une paralysie. Et il a un problème aussi au niveau des cervicales. Il n'arrive pas à pencher sa tête complètement en arrière vers la colonne vertébrale. Il ne peut pas se lécher le cul. Alors c'est ce que j'allais dire. Il peut c'est pas le, c'est le seul chien qui ne peut pas se lécher le cul. Il regarde les autres chiens faire. Il fait non, je peux pas. Moi, il a tourné en rond. Non mais riez pas. Ça non mais t'imagines pour un chien c'est super frustrant. Bah, oui. Le mien c'est pareil. Il peut pas se lécher les couilles non plus ni le cul. Et il le vit super c'est mal. Vrai, hein. Et des fois il peut même pas se bouffer la patte parce arrière. Il peut bien se bouffer les pattes. Il peut pas non plus. Quand tu regardes l'occupation d'un chien. Globalement, qui est près d'un feu de cheminée, une fois qu'il s'est gratté les couilles, léché les cocognettes et léché le trou de balle, il n'y a plus grand chose à faire. Il te regarde, il fait ça va, et puis il se recouche. Ouais. Un chien, ça dort les trois quarts de la journée. Hein. Ah, mais c'est bien, quelle belle vie. Quelle bah belle vie. Ouais, c'est une vie de chien. Et tu penses qu'il a eu ça depuis le début et qu'on t'a revendu un chien malade ou il a été maltraité après sur le, pendant le voyage? Non, non, moi je pense franchement que ça vient directement de chez le pseudo-éleveur, j'appelle ça le pseudo-éleveur parce qu'en fait il importe les chiens de Slovaquie, de tous les pays de l'Est. Ah ouais. Et ils sont vus par un vétérinaire de France Mais chose que le vétérinaire, je l'ai appelé aujourd'hui, et monsieur est pas content parce que je lui ai passé un sacré savon, comme quoi qu'il a fourni un certificat de bonne santé, alors que c'est erroné, quoi. Mais, attends, écoute-moi bien, je te le dis, il bosse avec l'éleveur, il est payé par l'éleveur. Donc va voir un autre vétérinaire. Ça s'attaque pas, du coup. Moi, ça s'attaque. Qu'est-ce que tu vas attaquer un vétérinaire? Non, mais un éleveur. L'éleveur. Mais oui, mais vous savez ce que c'est. Non, mais ce véto, il mérite pas de travailler. Vous savez ce que c'est pour des gens normaux, la notion de attaquer. Non, mais je suis d'accord. C'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce véto, il y a plein de gens qui vont le voir, donc s'il fait des choses comme ça à chaque fois avec tous les animaux, moi je t'ai dit, mon chien, il avait le premier chien que j'ai acheté, je l'ai acheté dans une animalerie sur les quais à Paris. Oui, tu nous s'il y a des gens qui connaissent un peu Paris, sur les quais il y a 7-8 animaleries. Je le dis, n'achetez jamais un animal à ses enculés. Jamais, jamais, jamais. Parce que les animaux sont maltraités, sont mal stockés, viennent d'une filière des pays de l'Est et des machins. Tant pis pour les mecs des animaleries qui m'écoutent, j'en ai rien à faire. N'achetez jamais à ces mecs-là, parce que moi, mon chien, ça n'a pas raté. Je l'ai acheté, j'ai acheté un chien malade qui a failli mourir. Sauf que tu vas voir le vétérinaire qui est dans le même immeuble, il est au-dessus. Il dit tout va bien. Oh, il est beau le doudou. Et il te reçoit avec un gros cigare, un cauchemar. Ah, mais non, mais le business des animaux, c'est juste ouais, insupportable. Mais alors, comment tu fais pour choisir? Mais il a peut-être pris un coup. Parce que le problème, c'est que dans le transport, l'animal, il a peut-être pris un coup. Il a peut-être pris un coup dans le bassin ou un truc comme ça. Et ils te le vendent quand même. Mais il n'y a pas des lois. Il y a une traçabilité du chien. Il n'y a rien du tout. Les trafics d'animaux, les amis. Ils font des faux papiers. Vous vous rendez pas compte. Je crois que personne ne se rend compte de ce qui se passe avec les animaux en Europe, en France. Vous vous rendez pas compte, dans des régions de France, en Belgique, il y a des hangars dans lesquels il y a des chiens qui vivent les pieds dans la merde et qui sont là juste pour se reproduire, et puis ensuite ils font des petits, puis on les relaisse dans la merde et puis on les réengrosse derrière, et puis t'as des femelles qui passent 5-6 ans à faire porter sur porter, à vivre dans leur merde, mais oui, et une fois de temps en temps, t'as les services d'hygiène qui sont saisis et qui viennent, mais une fois sur combien? Et c'est fini, les éleveurs, ils risquent rien. Ils disent, ouais, je l'ai pas vu, ouais, mais non. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est horrible, vous avez en Espagne, les amis, en Espagne, pas loin d'ici, vous avez des animaux, il y a peut-être qui m'écoutent, qui récupèrent des chiens et qui viennent d'Espagne, parce que sinon les chiens, ils sont euthanasiés. Ouais. Donc il y a des associations françaises qui vont récupérer des chiens en Espagne, parce qu'en Espagne, ils sont beaucoup moins bien que nous là-dessus, hein, les chiens, ils les butent, hein, ils y vont plus violemment que nous. Hein. Et voilà, et ça a beau être un pays frontalier, tout le monde dit Barcelone, sur les animaux, c'est un pays sauvage là-dessus. Voilà, et donc il y a plein d'associations françaises qui vont récupérer des chiens et qui leur donnent une fin de vie en France pour pas qu'ils soient euthanasiés. Il y a ça aux États-Unis aussi. Ouais, mais moi je pense que maintenant, il faut que vous arrêtiez les éleveurs qui ressemblent pas à de vrais éleveurs. C'est-à-dire qu'à l'inverse, il y a des vrais éleveurs qui sont des gens qui ont 25 chiens dans leur jardin, les bébés ils sont dans la cuisine, ils retournent la baraque, mais au moins le chien, tu viens le voir, il est là, il est au chaud, et les gens ils ne vivent que pour leurs élevages. Et là, tu peux avoir confiance dans ces gens-là. Donc les éleveurs, c'est pas dans les cages d'escalier? Non, il n'y en a pas, genre. Au niveau de la vanne, t'es avec nous, soit ou pas? Ça fait la deuxième ou t'es à côté, mais complet. Pourquoi? Mec, ça fait deux de suite où t'es en mode. C'était quoi la première? Ah ouais, bah c'était celle d'avant. J'ai pas suivi la première non plus. Celle d'avant où Julie t'a regardé sans aucun rire. Ouais, ça a tourné la tête comme ça. Ça, c'est pas un critère. Elle a juste. Mais elle peut pas être juge. Elle est bon public. Mais celle-là, non, ça fait deux. Non, mais faut se mettre. Non, c'est lundi. Non, mais Frédéric, voilà, je sais que c'est. Peut-être un peu extrême des fois, mais ce que je dis. Attends, il y a un message qui dit: moi, le vétérinaire chez lequel je vais depuis des années n'est pas cher du tout. Il va soigner tous mes animaux. C'est 15 euros la consultation. Et quand mon chat s'est fait écraser, il lui a fait plusieurs opérations. Il l'a perfusé une semaine. Oui, mais attendez, il y en a qui sont bien, il y en a qui s'adaptent. 15 euros. Ben, Julie, tu crois. Oui, mais c'est associatif à 15 euros. Normalement, c'est à mon plus avis, que ça. À mon attends, avis, à Paris, moi, quand je vais chez le véto, c'est 75 euros. Mais là, Paris, c'est la sodomie. Ah, je te mets un peu de verre pilé. Là, et c'est si Paris. Si tu as une piqûre, machin, ou quoi que ce soit, c'est 130 euros derrière. Et c'est comme le hamster. Pour 80. C'est comme le hamster. T'achètes le hamster, t'en as plus cher d'accessoires que d'animal. Donc c'est le business qui va autour. Non, mais alors tu peux conseiller quoi du coup pour trouver quand tu veux acheter un chien? Tu vas chez des éleveurs. Il y en a deux. Mais comment tu sais que c'est de bons éleveurs? Parce que je pose la question exprès parce que d'abord il faut que tu y ailles. Faut pas que tu l'achètes dans une. Tu y vas et tu vois les animaux comment ils sont élevés. Tu vois les parents. Tu vois les parents, tu vois les frères, tu vois les sœurs, tu vois un peu toute la famille des chiens, tu vois s'ils sont bien partants. Tu demandes des photos et tout, moi j'ai fait ça. En théorie, l'éleveur, il te demande. Un vrai éleveur, en théorie, va te demander pourquoi, ce que tu vas en faire, si il va te poser plein de questions. Ouais. Et il peut même te dire non, je veux pas vous le vendre parce que votre appartement est trop petit ou trop ceci, trop cela. Ça, c'est les éleveurs qui font bien leur boulot. Et puis, je suis désolé, il y a les refuges en France, il y a les SPA, il y a plein d'animaux, y compris des bébés, qui sont largués là-bas parce que les mecs n'en veulent plus, parce qu'ils ont mangé trois chaussures, etc. C'était le cadeau de la, du ouais, petit. Du et puis, coup, ils veulent s'en débarrasser. Et ça saoule tout le monde, ils le mettent devant la SPA. Il y a plein de chiens, il y a des animaux qui ne coûtent pas cher du tout. Vous payez quasiment rien, je crois, juste quelques frais. Ouais, je crois que c'est 40. Enfin, c'est vraiment c'est, que dalle. C'est pas grand-chose. Et ouais. Vous avez un chien qui va être sauvé et sorti d'une cage. Donc, à un moment donné, c'est quand même mieux que de donner à manger à ces gros connards qui entretiennent une filière avec les pays de l'Est. Mais la loi, elle a changé aussi, parce qu'avant, en tant que particulier, tu pouvais vendre des chiens, maintenant, t'as plus le droit. Ah ouais, si t'as une. Ouais, avant, tu pouvais. T'as le droit sous certaines conditions. Non, mais maintenant, non, les chiens de race, t'as plus le droit. Parce qu'il faut que tu comment que ça, tu t'as plus le droit. Avant, si t'avais, t'avais un chien de race, t'allais voir ton voisin. Et laisse parler l'auditeur. T'as le droit en fait, mais il te faut un numéro de ciré, il te faut un numéro de portée, il te faut plein de choses, et t'as le droit de les vendre, mais sous certaines conditions, ça reste assez classé quand même. Non. À toi, Pietre. Vas-y, dis Pietre. Et pendant ce temps-là, Guéguette, qui ne faisait rien, va regarder sur Guéguettissimo la loi. Il y a une loi qui est en train de passer en ce moment, comme quoi quand les particuliers n'ont plus le droit de vendre de chiens, parce qu'il y en a qui se faisaient trop de business. T'as des chiens qui valent 1000, 1500 euros. Donc le mec, il allait voir son voisin, il lui disait tiens, vas-y, mets-les les deux, ils vont niquer, et on va se faire une portée de 4 et on partage en deux. Et il y a eu tellement d'abus qu'ils viennent d'arrêter ça. Faut que tu sois éleveur professionnel maintenant. T'as pas le droit, si ton chien a des bébés, de les revendre. Bah, a priori. Mais non. T'en fais quoi alors? Bah, qu'est-ce que t'en fais? Eh, bah, si, il faut un numéro de. Ciré et avec un numéro de portée et ça s'enregistre à la chambre des commerces si pour les déclarer. T'as quelques démarches à faire quand même, tu peux pas juste les vendre 3000 euros. Je crois que ça marche pas avec tous les chiens. Toute personne qui veut vendre un chien ou un chiot ou un château doit au préalable se déclarer auprès de la chambre d'agriculture et obtenir un numéro sirène. Après ça dépend de la catégorie du chien. Ouais, s'il est classé en catégorie spéciale chien d'attaque, là ouais, t'as plus le droit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait une drôle. C'est quoi? Numéro de sirène, la sirène. Bien. Allez. Moi je l'ai mieux vendu. Bisous mon Fredo, je t'embrasse et fais un bisou au toutou, d'accord. À bientôt. Il y en a un qui nous dit par SMS, ma petite chienne a eu deux portées de chihuahua. Ils ont été élevés en famille avec des bêtises, mais plein d'amour. Ils sont super sociables. Je suis devenu ami avec les familles des chiots. T'as rien de mieux que les petites portées. Signé famille. Et bah gros bisous, je vous embrasse fort. En tout cas, il y en a qui dit on clone les chiens encore et appelez-moi pour qu'on en discute. Oui, on va peut-être pas faire une émission sur le clonage des chiens aujourd'hui, mais on est en parlant. Ils clonent des chiens. Ouais. Après, en même temps, c'est la bouffe. Hein. La bouffe. Bah quoi, nous on prend des poulets rôtis, bouffe des chiens. Bah attendez, en Corée du Sud. Ah non. Bah si Julie, bien sûr que si. Arrêtez. Voici Nicky Jam sur Energy. Bah si. Que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste, mi precio? amanecer. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Jam, Saga White Black, La Industria Inc. Le soir sur Énergie, il y a Koé et toute son équipe. C'est de toute beauté. Ben non, j'ai dit que c'était Koé. Koé, 22h sur Énergie. Restez avec nous sur Énergie, le double hit de Soprano. On peut vous emmener voir Soprano dans un concert très privé à Paris. Et dans la foulée, sachez juste un truc, c'est qu'on a mis la vidéo, vous vous souvenez d'Alexa Yono? On a fait une petite vidéo où je refais son morceau. La vidéo, on va vous la faire retourner là à nouveau sur YouTube, où je fais son morceau comme lui pour son clip et il arrive à un moment donné. Mais ce que vous n'aviez peut-être pas vu, c'est qu'avant, il a fait une interview exclusive avec Loris. Loris qui se fait passer pour un journaliste mais qui ne sait pas dire un mot d'anglais. Qui ne parle pas très bien anglais ni espagnol. Voilà. Il fait du n'importe quoi. C'est un mélange de plein de trucs. Il faut que vous voyez cette vidéo parce que c'est tout drôle, ce qu'il ne faut pas faire devant un jour un invité si vous le rencontrez. Et le mec est très sympa. Et il garde une patience. Ouais, c'est ça. Bon, vendredi, on avait. Je sais pas si vous vous souvenez de ce Massimo. Gars. Massimo, on l'avait appelé, il se prend pour Jean-Claude Van Damme. Et Massimo pensait qu'il était en ligne pour faire un casting. Donc on lui avait dit quand même pour un film jouer aux États-Unis, puisque je vous rappelle qu'il était en casting pour jouer dans Kung Fu Panda 3. Voilà. Alors, qui est déjà sorti et qui est un film d'animation. Merci. Voilà. Voilà. Et donc aujourd'hui, en théorie, on l'appelle quand? Pas maintenant? Non, on l'appelle pas maintenant. On l'appellera tout 20 à l'heure. Minutes, une demi-heure. Ouais. Et aujourd'hui, en théorie, il s'attend à ce qu'on lui fasse passer un casting. C'est ça. On lui a dit que l'agence de casting allait l'appeler. On va vous faire réécouter un petit coup quand même. On fait réécouter ou pas? Oui. Oui? Ah oui, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire dans Panda 3? Je sais pas quel rôle je vais avoir, mais je vais avoir un rôle important. Quoi. Oh, je suis la directrice de casting. Oui, voilà, de Panda 7. De Panda 7. On prend beaucoup d'avance. C'est ça. Et je voulais savoir quel rôle. Directrice de casting. Oui, je voulais Panda savoir 7. Quel rôle vous voulez obtenir dans Panda 7. Il est déjà sorti Kung Fu Panda 3. Oh, mais c'est ce j'aimerais bien m'en coordonner. Moi, ça m'intéresse. Hein. Vous êtes en plein entraînement, donc là, vous pouvez nous montrer comment vous faites et faire l'écrit en même temps. Et comment on fait pour les rendez-vous? Non, non, monsieur, il faut crier. Vous voulez pas crier, on raccroche, monsieur. On vous rappellera, tant pis. Hein, on rappellera pas, le monsieur. Biatch. Est-ce que vous... Biatch. On n'a pas entendu, moi j'ai pas entendu tout le monde parler en même temps. Ça n'enregistrait pas, ça n'enregistrait pas, ça tourne là ou pas? Allez, top. 3, on y va. 2, 1, à vous. Yeah. C'est le plus beau qu'on ait eu, hein. Moi je dois dire que... Sami-san. Sami-san. Les gars, s'arrêtez plus. Samatachi Sor. Et vous imaginez bien qu'on va le rappeler tout à l'heure. Jennifer, 21 ans, bienvenue Jennifer. Salut Koé, salut l'équipe. Ça va ma chérie, est-ce que t'es prête pour le qui veut épouser quelqu'un de l'équipe? Oui, ça va, je suis prête. Tu veux épouser qui? On a le temps de le faire maintenant ou pas? Oui, bien sûr. Tu veux épouser qui? Et ma musique de qui veut épouser? Elle est où ma musique? Alors, elle veut m'épouser. Eh ben alors, c'est bien. Bah écoute, tu préviens aujourd'hui, il a des vannes de merde. Ah, il a des vannes. Il est tombé sur le banc, chérie. T'inquiète aujourd'hui, pas. C'est des vannes de fin de week-end. C'est la vanne de fatigue. Vas-y, Jennifer. Alors, on va appeler qui? Mon père. Ton père. Ah, ça marche bien. Ça. Ah, est-ce que ton père va apprécier que tu sortes avec quelqu'un comme Pietre, charmant, adorable, mais légèrement quadra? Je pense pas. Non. Parce qu'elle a 21 ans. Légèrement. Quel âge tu as? J'ai fait pire. Il a le double. Je dis pas. T'es pas obligé non plus de le dire. T'es pas obligé de dire que t'as fait pire. Ah, t'as pas fait pire, ça. Si. Non. Si. Arrêtez, les gars. Si. Oh, léger. Légèrement pire. Léger. Enfin, bon, ça valait de la prison quand même. Non. Bon, Jennifer, donc on appelle ton père. Tu dis que t'as rencontré Pietre à quel endroit? J'ai été innocenté. Sur Paris. Oui, mais à quel. Tu l'as croisé dans la rue? Ouais, bah je peux lui dire que. Parce qu'il y a quelques mois, je suis allée à Paris. Je peux lui dire que quand je suis allée avec ma copine à Paris, je l'ai rencontré dans un bar ou n'importe. Ouais, il y a des chances. J'ai la photo dans un bar, il y a des chances. La photo de ta chérie. Allez, on y va, c'est parti. On y va, c'est parti. T'appelles ton père et après, ce sera Pietre qui va lui parler, mais en mode gros confini. Hein. Ouais, j'aime bien. Allez, on y va, c'est d'accord. Parti. Allô? Allô, papa? Allô, oui, Nini. Ouais, c'est moi, ouais. Oui. Ouais, ça va et toi? On va aller, j'ai dans le canapé. Il n'y a personne qui se lève, il n'y a que moi qui se lève là-dedans. Personne ne répond au téléphone, hein. Commence à m'embêter un peu, m'emmerder. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Bon. T'as 5 minutes, là? Ah oui, j'ai 5 minutes, bah oui, je me suis levé, c'est moi qui réponds. Pourquoi c'est à qui tu veux parler, à moi ou maman? À toi. Non. Oui, bah, je suis là, pourquoi? Sérieusement. Voilà, je sais pas comment trop te le dire, mais j'ai un copain depuis quelques mois. Et... Ah, c'est bien. Oui, attends, j'ai pas fini. Il a. Comment tu comprends pour pas, Nini ? C'est que t'es majeur, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Oui, mais attends, j'ai pas fini, laisse-moi parler. Ah, pourquoi ? Ouais, il a 40 ans, il habite sur Paris. De quoi ? Il a 40 ans, il habite sur Paris. Bah oui. Que c'est une connerie que tu me racontes, là ? Bah non. Bah non, Nini, tu veux pas de ma gueule, non ? Non, non, non, moi je l'ai rencontré quand, tu sais, quand je suis partie avec Elora sur Paris. Oui, t'étais partie avec une paire de moi, là ? Oui, oui, oui. Oui. Et mais je l'ai rencontré dans un bar, on a fait connaissance et puis je l'ai revu. T'as revu quand ? Bah, tu gueules pas, mais quand je te dis que je vais travailler les samedis, en fait, je monte sur Paris pour le voir. Ah bah tu me prends bien pour un con, là, hein ? Faut pas déconner quand même, non ? Ah non, ça, moi je suis pas d'accord, moi 40 ans, niette, hein. Non, non, non, non, Nini, pas d'accord, moi, avec ça, hein. Et pour, il pourrait être ton père à 40 ans, peut-être pas ton père, mais pas loin. Hein. Ah non, il non, est super connu. Hein ? Il est super connu. Il est connu. Quoi, t'as pris un acteur oui. Encore ? Qu'est-ce que c'est de ça ? Donc, non, que non, tu non. Raconte tu, comprends rien du tout, moi. Tu connais Allô Koé ? Hein ? Oui, tu connais Koé. Koé, Koé. L'animateur, là ? Ouais. Oui, bah, Koé, je connais, j'ai entendu à la radio, oui. Oui, et ben en fait, c'est un animateur qui travaille avec lui, il s'appelle Pietre. Il s'appelle comment ? Pietre. C'est un nom à coucher dehors, ça, qu'est-ce que c'était de ce nom-là ? Ben, ah non, je suis pas là, non, non, même si c'est un copain à Koé ou l'animateur de Koé, je m'en fous, moi, Nini. De toute façon, tu rentreras pas avec un mec comme ça chez nous. Mais je suis d'accord, moi. Je suis amoureuse, tu peux comprendre. Ah ben, tu peux être amoureuse, ben, tu t'es amoureuse, tu prends ton appart et puis c'est tout, hein. Tu viens plus chez nous, moi, je veux pas voir ça chez nous, hein. Non, non, non, non, mais il fait l'amour comme un dieu, papa. Comment ? Il fait l'amour comme un dieu. Il fait l'amour comme un dieu. Bah oui. Mais il peut faire l'amour comme un dieu comme il veut, mais je veux pas voir avec ça. Non, non, non, non. Hey, je suis pas d'accord du tout, moi. Non, non, non, non. À qui tu parles, là ? À qui tu dis ça ? Allô ? À mon père. Mais t'es pas bien ou quoi, toi ? Qui c'est qui est là ? Qui c'est qui est au téléphone, là ? Ah, mais tu te rends pas. Bah, je suis avec, là. Ah, c'est pour ça que t'es pas rentré encore, alors ? Oh là là. Bah oui. Non, mais fallait pas lui dire. Bon, on s'en fout, tu me diras d'un autre côté. Bon, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Il veut me parler, passe-moi le voir. Passe-moi à faire les présentations, ça va me faire marrer. Ouais, bah attends, je te le passe. Comment il s'appelle ton vieux, là ? Tiens, chéri. Il s'appelle Daniel. Daniel. Ah, puis tu dis bien chéri, en plus. Prénom de ah, bah dis donc. Daniel. T'es sérieux, il s'appelle Daniel ? Allô ? Oh, le con. Ouais, allô ? Allô, ouais. Ouais, c'est. Daniel, c'est ça ? Oui, c'est moi, oui. Prénom de merde. Ça va, c'est... Merde, bah, toi, c'est pas le mieux, le tien, parce que c'est un nom couché dehors, le tien. J'ai même pas compris le nom. Pietre, comment c'est que tu t'appelles ? Oh, c'est Pietre. C'est ce que Pietre. Ça... Ouais, bon, Pietre. Ça, j'ai jamais entendu ce nom-là, moi. Ouais, c'est un prénom qui inspire beaucoup de respect, contrairement à, Diana, à Daniel, donc calme-toi oh, un petit Daniel peu, s'il te plaît. Aussi, faut respecter les vieux, en plus. Je suis plus vieux, moi. Hein. Eh, oh, hein tu vas redescendre un petit peu, déjà, là ? Parce que faut savoir, non, non, non, tu sais à qui tu parles. Moi, oh, tu sais à qui tu t'adresses. Je suis impulsif, moi. Ça marche d'abord encore de tour. Oh, les gens me vouvoient, donc tu vas commencer par me vouvoyer déjà. Tu as un peu le respect. Si tu me dis tu, je vous vois pas, moi. Non, pas d'accord. Non, non, mais moi, je suis moi, je suis Pietre. Toi, t'es Daniel, t'es qui ? T'es je sais pas où, là. T'es personne pour moi, ok ? D'accord. Chez moi, bah, toi non plus, je te connais pas, alors. Ok. Moi, j'impose du respect, si tu veux. Ok ? Oui. Ok. Bon, bah voilà. Bon, maintenant, elle te l'a dit. Comment ça s'appelle ? Jennifer, ouais. Elle t'a expliqué. Ah, tu connais pas son nom, alors. Hein ? Ouais, je l'appelle Machine, moi, mais. Ah, Machine, c'est pas une machine, ma fille, quand même. Hein. Non, non, mais c'est une parmi les autres, mais on s'en fout. Mais en tout cas, elle est bien accrochée. Toi, tu fais pas chier comme mec. C'est parce que t'es comme mec, mais vraiment que t'es pas devant moi, alors. Mais je suis dans le showbiz, moi, je profite, mec. Bah, j'en ai tous les jours. Bah, alors, profite pas des jeunes comme ça, alors. Bon, faut écoute, pas déconner, là. Non, non mais ça. Ça m'arrange bien le samedi, j'ai pas trop de trucs à faire, j'aime bien les gratte-gratte dans le dos, je mets un petit coup comme ça et tout, comme ça me fait attends, passer attends, la journée. Ouais, quoi. Par là, hein ouais, voilà, c'est bien. Bon, ouais, tu connais, on est c'est des sûr, mecs. C'est sûr, comment ? On est des bonhommes, hein, tu sais ce que c'est ? Ah non, moi je suis pas comme ça, moi pas du tout, moi. Ouais, mais tu je suis marié, j'ai des enfants, je suis sérieux comme gomme, ouais. Oh le ringard. Ah non, pas du tout, c'est vrai, c'est la vérité. Mais tu connais, tu sais pas ce que c'est que la vie, toi. Ah si, j'ai profité de la vie, je profite plus à mon âge maintenant. Tu parles, t'es quoi, t'es une petite vie de merde dans ta campagne avec maman, là, hop, un petit coup le samedi soir sur Patrick Sébastien, ah, super la vie, bravo. Ah non, je regarde pas Patrick Sébastien, ouais. Non, non. Ouais, ben, moi, je lui vends du rêve un petit peu au moins ta fille. Oui, bah, c'est sûr, je me loue, mais moi, j'apprécie pas ça, moi, je suis pas du tout d'accord vous avec vous ça. Vous mettez un petit coup sur Patrick Sébastien, de rose whisky. C'est quand même moins malsain. Le mec qui dit j'ai fait l'amour. C'est moins malsain. Allô, monsieur ? Oui ? Eh, monsieur. Ça va ? Oui, monsieur. Qui c'est, ça, encore ? Moi, je m'appelle Koé. Vous allez bien ? Allô. Ça va? J'entends rien du tout. Allô. Je parle fort pourtant. Moi, je m'appelle Coé. Ça va? Oui. Moi, c'est Daniel. Salut. Enchanté. Daniel. Oh, quel prénom de merde. Ça va, Daniel? Quel prénom de merde. Ça y est, t'en as un autre. Coé. Bah, ça c'est ma fille, elle me parlait de Coé il y a deux minutes. Bah quoi. Voilà, bah c'est moi. L'animateur. Ouais. Oui. Putain, m'a même niqué. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Eh ben, on sort avec ta fille. Là, on est deux. Ouais. À deux maintenant. Ça vous salue. Ah ouais. Hein ouais. Ouais, ouais. Je savais pas que vous étiez tous les deux, les gars, parce que moi j'étais déjà. Non, c'est aussi. Pas vrai. Bonjour, ah, monsieur. Bah, si, bonjour. Vous avez un ticket? Oui. Ah, bah, moi j'étais le prime, ça. Ah, bah d'accord, bah, allez-y, bien sûr. Ah, vous prenez les tickets maintenant? Eh ouais. Hein? Eh ouais. Daniel. Ah, non, bah, elle va s'en prendre plein la Ramona. Elle est avec vous, ma fille, là? Elle revient à quand? Plein la Ramona. Prendre plein la Ramona. Daniel. Excusez-moi, je peux vous rejoindre aussi ou pas? Non, non, non, c'est dégueulasse. Ah, merde. Ça, interdit, 20h19, CSA. Ça va, entre filles. Non, non, non, interdit aussi. Aussi. Pas de description, pas de. Non, non. Daniel. Oui. Indépendamment de ce prénom pourri, Daniel. Oui, c'est pas un prénom pourri, hein. Si, Daniel. Mais si, Daniel, tu le sais toi-même au fond de toi. Dédicace à tous les Daniels qui nous écoutent, on déconne, évidemment. Daniel. Enfin, ah, putain, merde. T'as déjà vu un film de super-héros avec un mec qui s'appelle Daniel? Enfin, non, je crois pas, non. T'as déjà vu un mec qui sauve la planète qui s'appelle Daniel? Non, pas du tout. Ah, non. Non, mais il y en a des bons. Daniel, hey. Ouais. C'était pas Daniel, c'était Danny Boone dans le temps. Hein. Il est survivant. Hein. Allez, on passe sur quoi ça. Il est pas mort encore. Hein. Et non. Bon, Daniel, on est sur énergie. C'est une blague. Elle sort avec personne. Elle sort avec personne. Tout blague. Ça, c'est pour rigoler. Je peux sortir avec quelqu'un, mais je veux dire, une personne de 40 ans, j'aurais pas accepté ça. Hein. Oh, ça Daniel, va. Mais lâche. Mais lâche, c'est dans la tête, Daniel. Oui. Moi, je m'en fous. Oui, mais Daniel, je m'en fous. J'en ai 29, moi. C'est pas le problème. Mais Pierre, qui a plus de 40 ans. J'en ai 50, voilà, ouais. Oh, le vieux. Allez, gros bisous, Daniel. Comment tu les vieux? On est jeunes. Gros bisous. Qu'est-ce qu'elle gagne, Jennifer? Une tablette. Allez, Galaxy une tablette pour 4. Jennifer, inscrivez-vous pour les prochains. Restez avec nous pour la suite de nos conneries. Je vais encore faire tomber des places pour le parc Astérix avec Coé au parc Astérix sur Twitter. Et n'oubliez pas sur Insta, allez me liker la photo si vous voulez que le public fouille au milieu d'insectes. Yes, on est à 6000. À tout de suite. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Metro Gims. This is Charlie Puth. C'est Louane. Now, votez pour les Energy. Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non. Pour nous. Avec les casques QC35 de Bose, rien ne s'interpose entre vous et votre musique. Les Energy Music Awards 2016. Le 12 novembre, en direct de Cannes sur TF1 et Energy. Hit music only. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1TB Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur Micromania.fr sous condition de réservation. Le 19 octobre, retrouvez Manu dans le 6-9 et Coé en direct du parc Astérix avec Énergie. Vous voulez assister aux deux émissions? Rendez-vous sur énergie.fr pour vous inscrire et peut-être vivre une expérience inoubliable. Peur sur le parc, le 19 octobre, en direct du parc Astérix. Énergie. It's music only. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Eh, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple, rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Slimane. Slimane, son premier album, déjà disque de platine. Inclut son nouveau tube Adieu. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va, mon héros, va chez Leclerc. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors, à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Energy. Faire un tour au parc Astérix avec nous, hashtag avec Koé au parc Astérix, et n'oubliez pas qu'on va encore vous offrir des box all inclusive. Vous savez, les box dans lesquelles vous pouvez jouer jusqu'à 16 000 euros de cadeaux. Ouais. Vous allez sur boxallinclusive.com, vous inscrivez, ça cartonne au moins ça ou pas? Ah ouais, bah t'as vu les dotations qu'il y a. Justement, j'espère qu'il y a 16 000 euros, tu peux gagner, c'est un truc de ouf. Vous choisissez ce que vous mettez dans la box, si vous êtes tiré au sort, c'est Mika qui vous l'amène directement chez vous à la maison. Voilà. Et demain, bon, Mika, il part encore chez quelqu'un. Et il me disait qu'il était vénère parce qu'il sait toujours pas où. Ah, ça y est. Ah, il y a eu tirage au sort, ça y est alors. Si, on l'a su à 18h. Ah bah ok, très bien, c'est bien pour s'organiser. Ah ouais, c'est tirage au sort, hein. C'est quelqu'un qui est en Australie. Ouais, voilà. Et par que tu reviennes demain à 18h. Je l'ai pas dit, mais... Bienvenue tout le monde chez nous. J'espère que vous allez bien. On est sur Énergie, 20h28. Je m'appelle Koé. Il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Julie, il y a Pietre, il y a Guéguette qui fait le Facebook et tout et tout. Continuez de nous dire bonjour. Par exemple, le Facebook, c'est Koé officiel. Twitter, c'est Koé officiel. Sur Insta, c'est Koé officiel. C'est pas et compliqué. N'oubliez pas, vous likez et Koé off sur Snap. C'est pas mal ça. Continuez de liker aussi la photo. Je rappelle qu'à 8000, et ils vont chercher des trucs dans des insectes. Combien on est, Guéguette? On est à 6500. Oh, ça vient bon. Ça va faire. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. C'est les 7 nains à lui tout seul. Brave, grincheux, timide, simplet, adjoum, dormeur et joyeux. Alors que la seule personne de petite taille, c'est Julie. Ouais, c'est bizarre. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Avec toute l'équipe. Je suis désolé hein, ce soir, je suis malade. Hein. J'espère que ça s'entend pas trop. Hein. Sarah Larsson sera avec nous mercredi. Ou jeudi. Et Sauf va venir jeudi. J'aimais bien ce morceau. C'était vachement bien, hein. Mais à coup de il y aura Boosty tout à l'heure. Et si demain vous ne savez pas à quoi ressemble Alan Walker, eh ben il sera notre invité de demain. C'est vrai qu'on le connaît pas lui. Hein. Ben non, jamais venu. Ouais. Pas une seule carte à Noël, pas un mot pour l'anniversaire, rien. Mal poli. Bon, en attendant, on a le temps ou pas de passer un petit... Je peux faire des cadeaux pour Astérix? Hashtag avec oui. Koé au parc Astérix. On appelle quelqu'un. J'appelle un Jean-Louis. Un Jean-Louis. Un Jean-Louis. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un d'un certain âge, Jean-Louis? Oui. J'espère pour lui. Ou un jeune avec un prénom de vieux. Papa. Attends, tu veux... Salut, c'est Jean-Louis, j'ai 14 ans. C'est possible, hein. Allô? Allô? Ah non. Jean-Louis? Oui. Oui, salut, c'est Koé à l'appareil, comment ça va? Salut Koé. Ça va mon gars, quel âge tu as? 41 ans. Ah bah oui, non, c'est ouais, ça, c'est ça. C'est un papa. Ouais, c'est le papa. Si tu viens au parc Astérix, tu viens avec qui? Alors, je viens avec, en fait, parce que c'est une famille recomposée. Ah, c'est bien. Et on a 50 ans. Ouais, bah dis donc, vous n'avez pas perdu de temps de chacun de votre côté. Ouais. Hein. C'est un bon et non, et non, et non. Donc, bah alors, c'est ouais, combien donc vous serez 7? Oui, plus les petits copains. Wow. Parce que les enfants, ils sont grands aussi. Ah bah, c'est la fête. Non, mais vous serez là le soir pour venir voir l'émission et tout. On te dit, on leur donne ça. Ah bah 5, oui, oui, on va monter spécialement pour ça même. Mais vous montez en bus du coup là? Oui, ils ont un minibus, bien sûr. Vous avez quoi comme voiture? Ah bah, on va se débrouiller, mais on sera là, on sera là. Eh bah, vous serez là et on vous fait un bisou. Ah ouais, super, merci, merci. Je suis trop content. J'ai demandé ma copine en mariage, ça va être le truc pour mon anniversaire en plus, à la date où il y a la soirée, c'est génial. Que de choses. C'est son anniversaire, il l'a demandé. Tu vas demander. Je l'ai demandé en mariage. Elle a dit quoi? Elle a dit oui. Ah bon? Faut quand même savoir. Heureusement. Allez, à bientôt parce que. Jean-Louis, arrête de parler. Jean-Louis, parce qu'on va devoir parler avec une star internationale. Ah ouais, attention là, Jean-Louis. Jean-Louis, nous allons rappeler Massimo. Alors, Massimo, je vous le redis, c'est donc celui que nous avions eu au téléphone, à qui on avait voulu faire un casting. Mais à la base, on l'appelait pas du tout pour ça. Hein. Ouais. C'est sa copine qui nous avait appelé. Ouais. Pour nous dire que son ex était relou, donc Massimo, et qu'elle en pouvait plus. Donc là, lui faire comprendre. Il attend un appel de Jean-Claude Van Damme. Et ce que je vous propose, c'est de faire un truc. C'est de faire progressif. Ouais. De plus en plus loin pour voir à quel moment il se rend compte que c'est une connerie. Jusqu'où on peut l'emmener? Jusqu'où on peut aller. Donc on va voir. Vendredi, s'est rendu compte de rien. On va commencer doucement, puis on va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, et on verra bien s'il s'accroche ou pas. On y va. On est parti. Allez, c'est parti. J'espère juste qu'on lui a pas dit entre temps. Ouais. Ah ben alors ça, je ne sais pas. Ah non, c'est tout flayé. Bonjour, assistante. Vous êtes en contact avec la boîte à messages. Hey, le mec, il attend un coup de fil d'une boîte internationale pour un casting et il décroche pas. Parce que Steph s'est fait passer pour l'assistante et a pris le rendez-vous téléphonique qu'il a fait, tu vois. Tu referas l'assistante encore. Hein. Tu diras ne quittez pas. Ne quittez pas, je vous passe. Monsieur le producteur. Appelle-moi. Stouff, prends mieux. Monsieur Steiner. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Massimo? Oui. Oui, c'est l'agence internationale de casting. Ah, impeccable. Oui, vous êtes disponible? Oui, tout à fait. Bon, bah, je vous passe les producteurs. Ne quittez pas. Oui. Welcome to the World Fight Movie Production. Please hold the line. Welcome to the World Fight Movie Production. Please hold the line. Non, je ne sais pas que ça va faire non plus. Hein. Il est au téléphone. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. C'est vous, alors j'ai les coordonnées là. Oui, c'est pour le casting, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes comédien? Oui. On m'a dit comédien, cascadeur. Vous êtes quoi exactement, monsieur? Je fais un peu de tout, hein. Des cascades, des pirouettes. Cascades, pirouettes. On cherche des fois des hélicoptères et tout. Attends, allez-y doucement. Pirouettes, parce qu'il y a peu de gens qui savent faire des pirouettes. Donc, on a des cascadeurs, pirouetteurs. Et vous faites l'hélicoptère? Ouais, le coup de pied de l'hélicoptère. C'est quoi les coups de pied de l'hélicoptère, monsieur? Bah, c'est un coup de pied. Ah, l'hélicoptère, d'accord. Qui fait comme une hélice, quoi. Ouais, le copter kick. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le métier, le copter kick. Ouais. Ouais, le copter kick. Votre voix me dit quelque chose, non? Ah bon? Bah écoutez, monsieur, on ne s'est jamais parlé hein, jusque-là. Bon, alors on prépare un film. Vous connaissez bien Jean-Claude ou pas? Jean-Claude Van Damme. Hein, ouais. Quand je dis Jean-Claude, c'est Jean-Claude Van Damme. Hein. Vous connaissez ou pas? Oui, oui. Ouais? Vous l'avez déjà rencontré? Bien sûr. Bon, alors écoutez, alors on va voir si vous connaissez ses films. Alors, vous voulez me dire s'il a joué dedans ou pas? Full Contact. Oui. Ouais, c'est ça. Double Impact. Oui. Ouais. Expandables. Je ne pense pas. Non. Ah bah il a joué dessus, monsieur. Hein. C'est un mauvais point, ça. Titanic. Ah. Non. Ah, en fait, bon, oui et non. Hein. C'est-à-dire que pour la petite histoire, il paraît que c'était Jean-Claude qui était en iceberg et qui a pété avec un front kick le bateau. Et l'histoire a changé un petit peu, ça peu de gens le savent. Sur une échelle de Karate Kid à Chuck Norris, vous êtes comment vous? Vous situez plus de quel côté? Sur Sur une échelle de Karate Kid à Chuck Norris, des classiques, monsieur, des classiques. Oui. Vous vous situez comment? Plus Chuck Norris ou plutôt Karate Kid? Non, plutôt Karate Kid. Karate Kid, de la merde, ça. Attendez, je demande. Pour le casting de Tarzan contre Nemo 2, là, oui. on a encore de la dispo ou pas? Oui, oui, je crois, oui. Ouais. Vous en avez parlé? Un peu, non. Ouais, monsieur? Oui. Oui, dites-moi, parce qu'on va tourner Tarzan contre Nemo 2, là. Vous avez vu le premier ou pas? Non, pas du tout. Bon, c'est une histoire simple, hein. C'est Tarzan qui plonge dans l'eau et... Mais votre voix me dit quelque chose, quand même, non? Écoutez, monsieur, à un moment donné, ma voix dit quelque chose. Monsieur, on ne se connaît pas, on ne va pas parler de ça pendant une heure. Vous voulez faire un casting, monsieur? Mon bureau prend rendez-vous, je vous appelle. La seule chose que vous me dites, c'est je connais votre voix. Monsieur, vous voulez quoi? Vous voulez travailler ou vous voulez qu'on discute de la pluie du beau temps? Je vous écoute. Bon, moi, il m'emmerde, je vais repasser le standard avec moi. Welcome to the World Fight Movie Production. Please hold the line. Welcome to the World Fight Movie Production. Pas que ça à faire que de travailler avec des connards. Oui. Moi. Monsieur, donné, monsieur moi, Massimo, moi je suis là pour. Oui, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez énervé le producteur. Et à un moment donné, moi je discute avec Guillaume. Pas, mais ça va me dire quelque chose quand moi, même. Les, hein. Moi les connards qui font l'hélicoptère avec les tris, j'en ai absolument rien à foutre. Je le dis tout de suite. Je le dis tout de suite. Pardon? Il est très connu dans le métier, c'est peut-être pour ça. On reprend le prix casting. Ah, j'en ai rien à foutre. On lui propose un rôle avec Jean-Claude Van Damme. Monsieur dit, ce qu'il dit. Ah non, mais faut tout donner, monsieur Massimo. Là, ils sont très très énervés. Du coup, je vous appelle exprès pour ça. Je n'ai plus envie. On fait quoi de lui alors? J'ai plus envie. Vous voulez le refaire le casting ou pas? Si vous voulez. Oui, parce que là, vous aviez l'air hésitant. Moi, je suis désolé, il est mou, il a deux tensions. Il y a des gens qui se battent pour nous avoir au téléphone. Vous me faites chier pour prendre un rendez-vous avec ce mec. Et ce gars, il a deux tensions au téléphone. À un moment donné, c'est pas possible. Il est prêt ou il est pas prêt? C'est où il est motivé? Massimo, il veut tourner avec Jean-Claude. Parce que Tarzan contre Nemo 2, ça se mérite. Vous êtes prêt ou pas, monsieur Massimo? Je peux vous repasser le producteur, vous êtes sûr? Oui, oui. Non, mais donnez-vous à fond. Welcome to the World Fight Movie Production. Non, moi, je n'ai plus envie de le prendre au téléphone. Ah, mais si, il faut le prendre. Faut le tester. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Je suis la directrice de casting. Ah oui, je vous reconnais. Vous me reconnaissez? On s'est eu vendredi en ligne. Oui, ouais. Mais je reconnais beaucoup de personnes, il me semble. Vous étiez chaud pour tourner Kung Fu Panda 7? Oui, tout à fait. En 2019, on devait prévoir dans le planning, etc. On avait dit qu'on vous rappellerait aujourd'hui pour pouvoir justement faire un pré-casting en direct avec vous. Oui. Mais là, vous avez énervé le directeur. Il est pas très bien, là, du coup. On peut pas continuer comme ça. J'ai plus envie de lui parler, moi. Oui, je sais, mais c'est pas parlez évident. Parlez-lui du casting du remake de La Reine des Neiges avec Jean-Claude. Est-ce que vous seriez prêt? Qu'est-ce qui se passe en Mauritanie avec une Reine des Neiges qui a assez vénère et Jean-Claude Van Damme, il arrive, il la défonce. Vous seriez prêt à partir en Mauritanie? Pour tourner avec Jean-Claude? Parce que le taux d'enneigement là-haut, il est quand même... Même s'il neige beaucoup? Pardon? Même s'il neige beaucoup? C'est 3 mois de tournage, hein. C'est 3 mois de tournage, attention. Hein. Ouh là là. Ça se passe où, ça? En Mauritanie. C'est à côté de Chamonix. En Mauritanie. C'est à la droite de Chamonix, les Alpes. Ah, mais je le reconnais, monsieur Dere. Mais pourquoi vous dites ça à chaque fois? C'est le directeur de casting. Vous le reconnaissez d'où? Il est hyper connu, il fait passer 1000 castings. Vous êtes peut-être déjà passé en casting avec lui? Non, mais il me dit quelque chose. Il vous dit quoi? Oh, allez, on va pas commencer à jouer pour le casting. Dites-lui que c'est fini, on le prend plus. Bon, bah, je suis désolée, on va devoir renoncer au casting. Au rôle. Hein. Tu fasses l'hélicoptère. C'était un super rôle en plus, hein. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser ou quoi? Vous croyez qu'on vous appelle à 20h42 juste pour s'amuser? Trop perdu de temps. Et comment on fait en fait pour. Je vous envoie. Mais comment on fait justement? On est en train de vous poser des questions. Alors dites-lui pour Tarzan contre Nemo 2. Moi j'ai besoin d'un cri de Tarzan. Parce que ça c'est pas facile, il faut faire un cri de Tarzan. Vous avez entendu ou pas? Il faut faire un cri de Tarzan. Ça va être compliqué à faire. Ah bah écoutez, y'a pas de soucis, sinon on raccroche. Ah bon, problème, bah tant pis. Hein. Je sais pas ce qu'elle a foutu là-bas. Comment tu peux nous boucler un rendez-vous comme ça et nous faire perdre du temps? Ah, et à un moment donné. Non, mais y a pas d'excuses là. En plus, il y a des cascades sous l'eau, il va devoir se battre à égalité contre Nemo. Autant te dire, il va falloir se battre d'un bras. Les choses sont pas faciles. Donc, voilà, tu ne m'as pas donné le haut du panier, je te dis directement. Il est même pas capable de faire le cri de Tarzan. Ah. Ça va être difficile à faire. Hein. Eh bah tant pis. En quoi c'est difficile de faire le cri de Tarzan? N'importe qui peut le faire. Non, monsieur, vous n'êtes pas pris. Bon, on laisse tomber. Au revoir. On annule tous les castings, hein, c'est pas grave, on ne le prend plus. Je suis déçu, je suis déçu. Tocard, hein. Tocard. Ah, franchement, je pensais qu'on avait le haut là. On était au sommet avec lui. Jean-Claude, il se retourne dans sa tombe là. Il est pas mort. Ah, pardon. Bon, allez, au revoir. Hein. Au revoir. Tu passes à côté du succès, mais à ça, à un cri de Tarzan. À un cri de Tarzan. Ça, ça c'est compliqué à faire. Pourquoi c'est compliqué à faire, un cri de Tarzan? Ça, je sais pas faire des cris de Tarzan. Il faut essayer, monsieur, il faut essayer. Et un cri de Nemo. Ah, on devient pas une star hollywoodienne en deux minutes sans volonté, monsieur. Il faut faire un effort. Il n'a pas l'air motivé. Hein. Il n'a pas l'air motivé, vous avez deux tensions, monsieur. Vraiment moi, pas motivé, moi, je cherche hein. des combattants, je cherche des fighters, moi. D'accord? Je ne cherche pas du guignol qui fait l'hélicoptère. Hein. Je cherche du costaud. Le coupé, l'hélicoptère. Ouais, bah, je m'en fous, c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche des gens qui veulent, sont motivés pour faire un casting. C'est Hollywood, monsieur. Hein. Est-ce on que parle vous croyez... pas d'aller faire la boutique à Charleroi, là. On parle est-ce... d'Hollywood. Hein. Est-ce que vous Hollywood. Hollywood, oui, Hollywood. Est-ce que vous pouvez nous jouer une... Est-ce que vous pouvez nous jouer une scène en criant comme si vous tombiez d'un immeuble? Ça, vous êtes capable de le faire? Ah oui, parce qu'on est aussi sur un casting pour le nouveau Bruce Willis où il faut s'accrocher avec un hélicoptère avec les dents, un porte-avions de la main gauche et en se tenant au-dessus du vide. Vous sentez de le faire ou pas, ça? Pas avoir peur du vide, hein. Ça, c'est... Non, non, je n'ai pas peur du vide. Alors, est-ce que vous pouvez me jouer une scène, s'il vous plaît, en criant comme si vous tombiez de l'immeuble? Allez-y, on enregistre ou pas? Oui, oui, je pense qu'il est capable. 3, allons-y. 3, 2, 1, à vous. Action. Ah. Bon alors, le problème, monsieur, c'est que là, ça nous fait rire parce que c'est. Là, monsieur, on vous a pas possible, demandé, là, vous a pas demandé de tomber d'un trottoir, monsieur. On vous a dit, on vous tombez d'un immeuble. On parle donc de gratte-ciel. Donc, c'est pas. Non, non, mais c'est pas possible. On l'a refait, on réenregistre. Et vendredi, il était convaincant. Immeuble 3, 2, 1, c'est parti. Action. Ah bon, on n'y arrivera pas, hein, monsieur. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. On travaille un peu, mais on est pas ça mal. Ça peut être un second rôle. Ouais, je pense. Non, c'est même pas un second rôle. C'est un grand rôle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Là, il fait les coraux avec Nemo. Non, non, c'est rien du tout. C'est que dalle. Bon, bah écoutez, monsieur, au revoir. Hein. Vous avez raté le casting. À bientôt. Oh là là, mais comment je vais faire maintenant? Bah, monsieur, écoutez, monsieur, on vous demande de faire un casting, vous ne le faites pas. Oh, pum. C'est quoi ça? Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que je vais vous prendre à Hollywood? Vous savez combien ça coûte le billet de train? Hein? Oui, oui, à Bruxelles, Los Angeles. Vous avez déjà vu en train ce que ça coûte? 820 $. Donc il y a un moment donné, monsieur, je vous demande de faire un casting, vous faites... Oh, poum. Sérieusement? Vous croyez que Jean-Claude, on l'a pris comme ça? Jean-Claude, il a fait quoi quand il a été pris, Jean-Claude? Il a fait quoi? Il a pris deux tabourets, il a fait le grand écart, Jean-Claude. Ça, c'est Jean-Claude, le grand écart. Il n'a pas posé la question. C'est pas posé la question, il n'a pas dit j'ai mal, je sais pas, je vais avoir du mal. Il l'a fait, monsieur. Alors, on reprend la chute de l'immeuble, 30 étages. 3, 2, 1, c'est parti. Quack. Ouais, bon, là, vous êtes cassé. Non, là, vous êtes cassé quelque chose. Bon, là, d'accord, là, il y a eu cassage. Mais ça, c'est les os qui sont brosés. Ça, c'est broyé. Bon, c'est pas grave. Allez, au revoir, monsieur. Vous ne voulez pas faire le cri de Tarzan, vous ne voulez rien faire. Au revoir, monsieur. Faut raccrocher, monsieur, faut libérer la ligne. Il y a des vrais comédiens qui veulent du travail, monsieur. Il se pose des questions, là, j'ai l'impression. Et se le sauver avec. Moi, je veux bien. Non, on vous a demandé de faire le cri de Tarzan, monsieur, vous ne voulez pas le faire. Vous n'êtes pas motivé. Alors, on va essayer. Non, attendez, j'enregistrerai pas, monsieur. Le cri de Tarzan, vous enregistrez, les gars. Ouais. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. Action. Monsieur, vous avez déjà entendu Tarzan qui fait. C'est Tarzan timide, quoi. On refait le cri de Tarzan en tapant sur les. Faut taper sur le torse, monsieur. 3, 2, 1, top, c'est parti. Et est-ce que maintenant, monsieur, vous pouvez nous faire le cri de Tarzan qui tombe de l'immeuble, s'il vous plaît? Parce que là, il est malade. Et qui tombe. Hein. Vous pouvez nous cumuler les deux? Le cri de Tarzan qui tombe de l'immeuble. 3, 2, 1, top. Et le boom. Et le boom, monsieur. Il est 30 étages. Hein. Monsieur, il est censé tomber. Quand il tombe, ça fait boum. Ah, il n'est pas encore tombé. Le cri de Tarzan super qui tombe de l'immeuble, la dernière. 3, 2, 1, top. Action. Boum. Bon, eh ben, on n'y arrivera pas. Ah, il n'est pas motivé, il n'est pas motivé. Moi, on perd notre temps. On perd notre temps. Monsieur, à très bientôt. On sent qu'il y a un truc quand même. Tant pis, non, il n'y a rien du tout. Moi, j'y croyais vendredi, là, j'y crois plus du tout. Je vais faire tourner un bulot à votre place, monsieur. J'aurai plus d'émotion. À bientôt, monsieur. Bien fait. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Je ne vous embrasse pas, monsieur. Au revoir. Bien fait. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous êtes en pleine forme. Je lui dis, tu lui dis pas que c'est une blague? Mais il s'en doutait, hein, je pense. Mais pas des. Non, il était sceptique. Il aurait pas fait le cri derrière. Il était un peu sceptique, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on écoute? Bruno Mars. Allez, fais-nous péter Bruno Mars. J'ai vu que Boosty est arrivé, ce sera pour tout à l'heure. On a le temps. Oui, bien sûr. On a le temps. Mais Bruno Mars, c'est le dernier? Oui. Allez, vas-y, mets-le, s'il te plaît. Mets-le-moi. Il démarre comme ça, tout le monde? Oui. Merde, j'étais en train de sortir mon médicament du sac, ça s'entend. C'est comme au cinéma quand les mecs veulent manger. J'adore, moi. Mais je sais que t'aimes bien Bruno Mars. On est sur Énergie. On est lundi. Boosty sera notre invité, n'oubliez pas, allez me liker la photo sur mon Insta, puisque tout à l'heure le public va peut-être gagner jusqu'à 1 million d'euros. Oula. Oui. Des tablettes et des cadeaux en plongeant les mains dans des insectes qu'on a là-bas qui sont énormes. On est à combien, Gaguette? Il reste 200 likes. Oh. Ça doit aller. Vous êtes invité au premier concert privé de Soprano. C'est Soprano. Oh là là. En

22 heures sur Énergie. Je peux faire un peu plus fort, c'est bon quoi. Oh là là. Mais vous avez vu l'heure, enfin, il n'est pas 21h. Ouais, mais je crois que Jimmy avait envie de se faire kiffer. Ouais, Jimmy, enfin, jour un réa, tu veux pas être là demain, c'est ça? T'es là demain? Non, il n'est pas là demain. Bah, du coup, non. Du coup, non. Du coup, t'étais prévu, mais suite à ce jingle, tu n'es plus prévu. Tu es déprogrammé. Boosty sera là dans un instant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose ou pas? Non, il fait. On va lui demander, hein. C'est bizarre quand même, on dirait. Il dit shut up, non? On dirait qu'il dit shut up quelque chose, non? Shut up. Je suis là. Émilie, comment ça va, Émilie? Bonjour, Koé. Émilie, tu sais quoi, Émilie? Hein? Tu sais quoi? Non, je sais pas quoi. Je veux mon bijou. Et te fais des bisous. De quoi on parlera dans un instant, Émilie? On va parler d'une embrouille qui s'est passée avec ma meilleure amie à cause d'un plan cul. Restez avec nous dans un instant aussi, on ira en embrouille pendant le match, avec, puisqu'il y a un match ce soir, je qui contre qui? France-Pays-Bas. Très bien. Et bien dans la foulée, il y aura quelqu'un qui fera chier le match dans quelques minutes, Guéguette, oui? Eh bien, je vais crier avant le public. Ah, ça y est, ouais. 8000 likes. Et il y a le public qui va toucher les insectes. Et peut-être même gagner un million d'euros. C'est bien, elle a pas dû se les mettre dans le cul. Ouais, c'est très bien, d'habitude elle le dit. Bienvenue sur Énergie, voici Soprano, attention. Si c'est un double soprano, je vous invite au concert très privé de Soprano, tout frais payé à la Tour Montparnasse. Si c'est un double. Double ou pas double? That is the question. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fanée sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde, suis le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination, plein de sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon épreuve. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAU se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré VIP, c'est mon cercle familial. Pour eux, je brillais avant les projecteurs. I love you, Comoria. I love you, Massilia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.

ils ont fait attention, ils ont fait attention là, ils ont fait attention. Non, pas celui de gauche, c'est un fan de Martin Garrix, il tape dans le tempo lui. Rigole ou quoi? On l'a déjà vu lui. Émilie, on fait Émilie? Oui. Émilie avec un thème que j'ai rien compris du tout. Ça va Émilie? Un jour, j'étais avec ma meilleure amie sur Periscope et elle m'a fait découvrir un garçon assez grand. Le soir, j'ai eu son numéro de téléphone et je lui ai parlé. Et un jour, on s'était dit qu'il viendrait chez moi dans le sud pour que ma mère accepte qu'il dorme chez moi. J'ai dû mentir et sur son âge, puis on s'est rencontrés, on est devenus tous les deux des plans cul. Quand il est reparti, c'est parti en embrouille avec ma meilleure amie. Car moi, je lui avais dit que c'était un mon plan cul, mais elle l'a dit au garçon qui lui avait dit il m'a engueulé. J'ai rien compris. Il fallait pas dire que c'était un plan cul? Hein? Quel âge tu as déjà? Ouais. À chaque fois que je parle, tu me dis, tu comprends rien ce que je dis ou... J'ai 16 ans. 16 ans, un plan cul à 16 ans. Comment tu peux dire chérie, ça? Ma chérie, mais garde des trucs pour quand tu seras vieille. Les plans cul, c'est quand t'as 25 balais, mais 30 oui. balais. À ouais. 16 ans, on est amoureuse. Quoi? On s'en fiche de l'âge. Non, ça fiche pas de l'âge. Les plans cul, c'est pas à 16 ans. Mais non, mais sérieux. Mais c'est quoi ce délire de vouloir être plus vieille que ce qu'on est? Le plan cul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu baises avec un type dont tu te fous complètement? C'est juste du cul, quoi. À 16 ans. À 16 ans. Mais non, en fait, je l'aimais. Ah, bah alors, c'est pas amoureuse. Un cul. Ah, oui. C'est non, mais elle est amoureuse, mais pas lui, apparemment. C'est ça? Voilà, exactement. C'est ah, ça. Bah c'est pas pareil. T'étais amoureuse de lui, donc c'est pas un plan cul. Non, mais pour lui, c'était un plan cul. C'est ça? Ouais. Et la copine, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? J'ai pas compris. Elle voulait se le faire, je pense. Bah, en fait, je réagis. Il y en a une au premier rang, elle fait, ouais. Clairement ou pas? Oui, ouais, vas-y. Bien sûr, parce que là, c'est pas clair. Même après le mail, c'est pas clair. Alors, bah, en fait, au début, on était sur Periscope. Ma meilleure amie, elle dormait chez moi. Et elle m'avait fait découvrir un garçon qui était sur son Periscope. Enfin, ça, on l'a vu, ça, on l'a compris jusque-là, mais c'est l'histoire du plan cul qui n'était pas un plan cul, que t'étais amoureuse et que ta copine, elle n'était pas contente. C'est quoi ça? Non, c'est pas qu'elle n'était pas contente. C'est que, en fait, je lui avais dit à ma meilleure amie que c'était mon plan cul. Mm-hmm. Et pourquoi t'as dit ça à ta copine alors que t'étais amoureuse déjà? Oui, déjà. Parce que c'était ma meilleure amie et que moi, je lui disais tout. Bah, justement, tu lui disais pas tout si tu lui disais que c'était un plan cul alors que t'étais amoureuse. Mais elle savait que j'étais amoureuse. Bah donc c'était pas un plan cul. Ok, alors attends, vas-y, attends, préfère lui dire. J'ai lâché au bonjour. Et après, tu l'as dit à ta copine, après, à ta meilleure amie. Eh? Eh? Elle est perdue dans son histoire, la pauvre. Ou elle ne comprend pas le français. Il y a alors attends, l'histoire c'est quoi? Je comprends plus, je tu t'es embrouillé avec ta meilleure amie parce que tu t'es tapé un mec qu'elle t'avait montré sur je sais plus quel Periscope. Réseau. Periscope, c'est ça? C'est le truc que j'ai compris. Et c'est quoi le problème? Donc du coup parce que t'es embrouillé avec ta copine. Elle voulait sortir avec lui aussi, c'est ça? Bah non, elle voulait pas. Bah alors c'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça peut lui foutre alors? Vous n'avez pas compris. Enfin, moi, non. Alors vas-y. Il est où, en gros, il est où le problème? Le problème, il est où? C'est qu'elle a dit oui. Au garçon que je lui avais dit. Il dit quoi? Que c'était un plan cul. Voilà. Alors qu'elle l'aimait. Il a tout compris, toi. D'accord. Mais alors, où est le problème? Il a pas aimé que tu dises que c'était un plan cul. Exactement. Il voulait que tu dises quoi alors? Bah, que c'était son amoureux. Bah. Il voulait que tu dises rien mais du tout. Sauf que, ma chérie, tu n'as pas la bonne interprétation du mot plan cul. Parce que même nous, tu nous as dit c'est mon plan cul, alors que tu es amoureuse de lui. C'est pas ça un plan cul. Le plan cul, c'est un truc qui ne marche jamais. Qui génère en théorie qui tout le monde. Qui est juste dit. Pour le sexe. Ouais, hein. Mais qui ne marche pas. Ça n'existe pas le plan cul. Monsieur. Non, ça n'existe pas. Parce que t'en as forcément un des deux qui va s'attacher un petit peu plus. Le plan cul, c'est quand les deux sont désagréables, les deux baisent pas très bien, et qui se retrouvent pendant une heure, et qui font leur affaire hygiénique, et qui se barrent. Mais ça, faut qu'ils s'assurent. Ah, t'es là, toi, l'autre connard, ouais, ça, t'es connard aussi. Parce que quand il y en a un des deux qui fait l'amour très bien à l'autre, et qu'une fois que c'est fini, il est très gentil, il y met la gentillesse, et il est très doux. L'autre tombera amoureux obligatoirement au bout de la troisième fois. Tu restes pas plan cul avec un plan cul qui est pas bon. Un mec qui a un super plan cul qui te fait ce que t'aimes et qui est gentil comme tout et qui est, tu vas juste le garder comme moi, plan cul. C'est un problème parce que je veux dire, je suis restée un an avec plan cul. Attendez. T'as les sentiments qui arrivent. Donc c'était ton mec pendant Non, c'était pas mon mec, mais c'était juste pour le sexe. Et il m'utilisait pour le sexe et je l'utilisais pour le sexe. On était comme un accord pour le sexe. Bah, c'est ce que je dis. C'est que vous faisiez une partie parce que c'était vite fait, machin. Et on allait boire des verres et on faisait des soirées ensemble et on dormait ensemble. Oh, mais tu dormais pas ensemble. Un plan cul, tu dors moi, pas avec. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais on n'était pas ensemble. Mais comment vous pouvez dormir et partager votre lit avec quelqu'un? Comment tu peux être sectaire comme ça, toi? Dans ce cas-là, c'est votre nana. Tu dors pas avec elle. Tu dors avec tout le monde, toi. T'as sauté une nana, tu dors avec. Bah oui. À partir du moment où t'as fait le pas de la sauter, tu peux dormir avec. Eh bah, pas du tout. Je trouve que dormir, c'est plus intime que sauter. Ah bon? Mais bah c'est oui. pas pour autant que ça sera ta copine. Après, tu fais ce que tu veux. Il y a des gens qui baissent partout, mais jamais chez eux. Bon, parce que c'est plus intime. Il y a des gens qui vont baiser dans une bagnole, chez d'autres, à l'hôtel, mais ils n'ouvriront jamais les portes de chez eux parce que faire l'amour à la maison, c'est intime. Dormir, c'est intime. Baiser aujourd'hui, excusez-moi, vous savez comme moi, vous avez un préservatif, c'est un truc entre grandes personnes. Ça se torche en 3 minutes avec deux sites internet. Enfin, c'est pas. Je sais pas ce que j'ai mis de drôle, mais... C'était Internet qui était drôle. Ouais. Non, mais en fait, vous avez pas compris, et ça, je dis pas du tout. Mais de toute façon, on comprend rien. Je sais pas combien t'as à l'oral à l'école, mais à mon avis, tu devais être une buse. Vas-y, alors explique, on ne comprend rien à ce que tu racontes. C'est lui, c'est pas lui, c'est mon plein cul. Mais, eh bien, avec une partenaire. Alors écoute, vas-y, on t'écoute. Je suis sûr qu'à l'école, ils l'interrogent, ils font Émilie. On comprend rien. Vas-y, Émilie. Alors, ça va être long encore. Alors. Oh, ça va être chiant. Mais non. Ensuite, alors, écoutez bien. Je vais vous dire tout correctement et lentement. Vous allez comprendre. Dans les grandes lignes, en fait, tous les détails. Vas-y. Alors, donc, ma meilleure amie était venue dormir chez moi. Ça, vous l'avez compris. Oui. Vers quelle heure? Il s'est barré. Il est vraiment parti faire pipi. Hein. Il s'est barré. Vas-y. Et vous étiez. T'as présenté un mec plutôt grand sur Périscope. Exactement. Voilà. Ensuite. Mais on n'avance pas là. On va y arriver. Ensuite, ce garçon, il aimait ma meilleure amie. Sauf que moi, je l'aimais. Ah, mais tu ne m'as pas dit ça. Regarde encore. On a des infos. D'accord. Du coup, ben en fait, un jour, il voulait venir dormir dans le sud de chez moi. Mais pour voir ta copine? Bah non. Ben en fait, on était censés se voir tous les trois. Ah. Ouais, ça change la donne. Ma mère, elle a accepté qu'il vienne dormir chez toi. D'accord. Mais j'ai dû mentir sur son âge pour qu'elle accepte. Mais pourquoi il a quel âge? Je dirais pas l'âge. 38 ans. Si, dis l'âge. Non, si, dis-le. Écoute, il n'est pas là, donc tu peux nous le dire, il criera pas. Dis-nous. Quel âge? 23. 23? Ah ouais, non. Et ta mère, elle a accepté. Bah, elle a pas dit l'âge. Elle lui a menti sur l'âge. Il fait plus jeune que son âge physiquement. Oui, il avait un cartable. Il faisait son âge. Il avait un cartable et des grandes chaussettes. Bon, bref, il est venu dormir chez toi. Et du coup, on a fait des choses. D'accord. C'était pas c'était la première fois pour toi? Non. Non, d'accord. Tu t'es protégé? On a avancé, Coco, on a avancé. Ok. Vous voulez un café ou pas? Non, ça va. On avance. C'est bien. Ouais. On avance. Et on en est à... On était sur Périscope. On a avancé. Non, mais si tu t'es tapé le mec de ta copine... Attends, je vais résumer. Ouais. Et en fait, la copine, elle est amoureuse de lui. C'est normal qu'elle soit vénère. Non, oui. Non. Moi, bon, je retourne pisser. Mais tu nous as dit. C'est toujours pas clair. Vous rigolez ou quoi? Bah, c'était clair jusqu'à ce que t'arrives. Tu l'as embrouillé. Vas-y, continue. On en était à où? Périscope. On était à Périscope. On va jamais y arriver. C'est improbable. Et donc Moi, je vais prévenir la suite pour dire qu'on finit par 22. T'as couché avec lui? Elle t'en a voulu. Voilà. J'ai couché avec lui. Sauf que après, quand il est parti, je l'ai dit à ma meilleure amie. D'accord. Et là, t'en as voulu? Non, elle m'en a pas voulu, mais elle a dit au garçon que je lui avais dit que je l'avais fait avec lui. Ouais. Oui. Du coup, lui, il m'a engueulé parce que c'était censé être secret. D'accord. J'en ai voulu à ma meilleure amie de l'avoir dit. Oui. Et du coup, on s'est plus parlé. C'est chiant, les problèmes de filles. Oui, oh là là. Oui, ça c'est vrai. Mais parce qu'elle était amoureuse de lui, en fait, elle voulait passer la soirée avec lui, peut-être. Et du coup, c'est toi qui l'as passé avec lui. Et t'as conclu avec lui, donc elle t'en veut, donc c'est normal. Du coup, tu t'embrouillais avec les deux. Vous n'avez rien compris. Ah, je pensais qu'on était calés. Putain, moi aussi. C'est chiant. Attends, Mika a compris apparemment. Mika, une explication. Mika va nous expliquer en trois mots. En trois mots, tout simple. En fait, elles se sont embrouillées toutes les deux à cause de ce mec-là. Ouais. Voilà. Ça en a compris. Maintenant, elles se reparlent toutes les deux. Oui. Elles se reparlent toutes les deux et elles ne savent pas si elles doivent lui reparler à lui.

Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération Super Pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va, mon héros, va chez Leclerc. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu ? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 euros par mois. Et 0 euros par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play a game. Jouer encore. Energy. Aïe, allez-vous, aïe, allez-vous, aïe, allez-vous, aïe, allez-vous. Let's go. I'm gusta. A ella le gusta, baila me gusta. A ella le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas, baila mami. Vente conmigo. Así es. Tú tienes, me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esta mirada provoca y tú toda loca. Te muerde los labios cuando suena el beat. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. Let's go. A ella le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas, baila pa' mí. Vente conmigo. Así es. Ahí ese instinto salvaje que me gusta cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla, la tela me raga y seguimos aquí. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. Ce titre. Mais on va lui demander ce qu'il dit. Hein. Ouais, on lui demandera tout. Mais dans l'instant, juste le temps de pourrir le match de foot. Attention, ça va mon Quentin ? Ça va et toi ? Ouais, t'es en forme. Qui regarde le match de foot ? T'habites à Vannes ? Il y a qui dans la pièce ? Tous mes potes qui regardent le match. D'accord. Là, t'es sorti de la pièce. Là, je suis dans mon appart, ils sont dans l'appart, dans l'appart, ils regardent. Tu vas aller à côté d'eux, moi je vais entendre l'ambiance, je vais les entendre gueuler, tu vas à côté d'eux. Okay. Et quand je te dirai tu coupes, tu coupes. Mais pour l'instant, tu vas à côté d'eux. Ok. Là, il a la télécommande, c'est ça? Main. Tu fais comme si tu étais au téléphone, normal. Ok, pas de soucis. Il reste 4 minutes de jeu en plus. Ouais, bonne ambiance. Ça insulte, ça gueule, c'est bien. On va attendre qu'il y ait une bonne balle et dès que je te dis coupe, tu coupes. Hein. Coupe. Allez, tu te coupes. Non. Allez, ah, ah, allez, Tu rallumes. On va attendre qu'ils viennent côté français. Hein. Donc les Français à côté. Ouais. C'est rallumé là. Et ils sont tous en couleur citrouille donc en fait. Ouais, les Hollandais. Oui, les Hollandais c'est l'orange, oui. D'accord. Ils sont chauds. On va les laisser s'approcher. Là, c'est pas intéressant. Eh les gars, jouez aussi, merde. Quelqu'un peut appeler l'équipe de France pour leur dire qu'on est en direct sur Énergie, qu'on est en train de faire une vanne. Attends, on va attendre que les mecs renvoient. Faut que la France. Attends, bouge pas là. Voilà, faudrait que les oranges reprennent. Ouais, dans les deux sens, ça marche. Attends, là, ils vont se rapprocher. Quand je te le dirai, tiens-toi prêt. Vas-y, R2. Eh les mecs, vous jouez ou vous dormez sur le terrain? Coupe, ça se rapproche. Coupe. Vas-y, maintenant, coupe. Ça marche bien, je sais pas. Petite passe en profondeur pour couper direct. C'est dingue, les mecs, comme vous courez en deux secondes. Ouais. C'est énorme. Il y a plus de monde, c'est gueule. L'écran, les gars. Mais ils ont capté que c'était vous ou pas? Tu leur dis que c'est l'écran qui merde des fois et ça revient tout seul. L'écran, il merde des fois, les gars. Arrêtez, c'est bon. Mais gros, ça fait deux fois l'écran. Arrêtez, c'est bon, il est rallumé là. J'en sais rien, allez, là, c'est quoi, de me casser les couilles. Et là, on va se le refaire une dernière fois, quand je te le dirai. On va attendre un peu. Par contre, faut que tu te tiennes prêt quand je dis de couper. Là, pour l'instant, c'est le gardien qui a la balle, donc assez peu d'intérêt. Ouais, on s'en fout. Voilà, on va attendre qu'il renvoie. Voilà, là, c'est orange qui passe à orange, qui passe à citrouille. Voilà. Orange, qui passe à orange. Je suis un très bon commentateur de la touche. Sur la touche, on peut couper. Hein. Non, attends, on peut faire très beau là. Il reste quoi? Il reste une minute de jeu, une minute de jeu. Il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils envoient loin. Ouais. Qu'est-ce pourquoi ça siffle? Ils ont pas l'air contents. Voilà, dès que je te le dis. Hein, dès qu'il fait un centre. Dès que je te le dis. Maintenant. Coupe maintenant. Ah, c'est toi. Moi j'ai cru. Quentin, qu'est-ce qu'il gagne? Une Xbox One. Une Xbox. Quentin, dis à tes potes que t'as gagné une Xbox One. Une Xbox One. C'est bon ça, non? Sérieux? Juste en faisant chier tes potes. Ouais, c'est bien, je t'embrasse à la maison. Je te fais un gros bisou, mon gars. Je t'embrasse. Il y aura Boosty qui sera notre invité dans 3 minutes. Restez avec nous. Ciao, Quentin. À bientôt. Merci, ciao. Oui, vous nous appelez, vous faites chier vos amis. Ça marche. Ça vous amuse et vous repartez avec un gros cadeau. C'est génial. Elle est pas belle, la vie? Moi, je dis oui. Restez là. Je suis désolé hein, si je suis malade aujourd'hui. C'est pas grave, mon coco. Ouais, j'espère. Sans, je peux rien faire. C'est tout. C'est comme ça. That's life. You can be my guiding light. Keep me company. It's all I need, all I want is is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean. Type s'appelle Popcorn, il marche bien dans le Top Shazam France, dans le streaming machin et tout. Ouais, c'est une tuerie. Premier de la playlist M6. Oui. Et oui, parce qu'il y a de la vie. Il n'y a pas que du téléachat et des ouvre-boîtes à vendre sur M6. Eh non. Ah merde. Il n'y a pas que des maisons et des appartements. Il y a un peu de musique. Ouais, c'est ça. Il y a surtout des maisons et des appartements à vendre. Non, mais il y a aussi de la musique. Ah d'accord. Mais c'est vrai qu'ils sont très maisons. Il y a quand même beaucoup d'appartements. J'irais même, ils sont un peu trop maisons. Ouais. Mais maintenant, ils vont tourner les clips dans les appartements à vendre. Pour comme ça, ils vont tout rassembler. Et pendant que tu tournes le clip, tu fais la cuisine. Et il y a Jeff, tu fais non, c'est pas ça. Voilà. Et comment t'es habillé? Bon, ça va, toi, t'es en forme? Oui, pleine forme. Génial. Tout se passe bien. Et d'habitude, t'as toujours une chemise hawaïenne? Ah oui, c'est des chemises un peu de couleur. Ouais, j'adore les chemises. Et alors? Mais j'hésitais à en mettre une en plus, mais j'avais peur que tu me vannes. Donc je me suis dit que j'ai joué la sobriété. Il y a des photos qu'on a vues. Allez, mec, maintenant, t'es habitué à ça. Faut que tu tiennes ton code vestimentaire. Mais grave, mais j'ai eu peur. Je voulais en mettre une. Et je me suis dit, si j'en mets une, tu vas te faire tailler. Trop de temps, pendant 20 minutes. Regarde, il a un petit cadeau pour toi. Ah yes. Non. Cadeau. Ça va être une blague. Ça va être une blague. Ah non, t'es habillé trop. T'as vu, dès que tu fais des cadeaux, tout de suite, c'est une vanne. Bon, à la base, une chemise hawaïenne, on t'offre ça, c'est une blague. Ouais. Y'a que toi qui peux kiffer. Y'a que toi qui kiffe. Genre, une chemise hawaïenne, celui qui les kiffe, celui qui les porte. Ouais, c'est ça. Il est trop bien. Ah ouais, là, c'est vraiment une vraie chemise hawaïenne. Ah non, c'est même pas une chemise, c'est une nappe. Ah non, c'est une chemise. Oh, la critique du cadeau. Ah bah ouais, ça fait plaisir. Oh merde, comment je le prendrais mal? C'est celle de Carlos, c'est la vraie. Elle est géniale, je peux la mettre maintenant si tu veux. Vas-y, vas-y. Ah, ça me ferait plaisir, oui. Bah attends, allons-y. Je sais jamais comment. C'est difficile de savoir une chemise hawaïenne à quel moment elle est géniale et à quel moment c'est moche. Ouais, c'est ça. La frontière, c'est comme des fringues des Eagles. La frontière, elle est limite. Ouais. Là, c'est une chemise hawaïenne des Eagles. Hein. C'est la bonne taille? Ah oui, c'est la bonne taille. Ouais. Ah, bon, c'est pas en même temps, on dit c'est la bonne taille. Mais... Bonne taille. Ouais. Ah, ouais, voilà. Ça te va bien. Hein. Eh, tu sais quoi, j'ai un Energy Tour bientôt. Tu vas la mettre? Je la mets. Ah vas-y. Ouais. Carrément. Oh, une belle photo. Ça me touche. Ah, bah, les photos, elles peuvent pas prendre avec mais ça. Ça te va. Trop de couleurs. Assumer, ça te va. Il faut l'assumer. Quand même, avec le t-shirt, comme ça, ça passe. Où est-ce que t'as grandi déjà? On en parlait la dernière fois. À Cholet. Parce que va trouver une chemise hawaïenne à Cholet. Ah, ouais, non, ouais. C'est très compliqué. Voilà la galère. Ou alors, c'est une chemise qui date des années 70, mais d'époque, elle est encore en vitrine. Tiens, on fait un bisou à Anaïs. Et dans un instant, on aura besoin du public parce qu'on ne fera pas que de vous offrir peut-être 1 million d'euros, le public. Parce que tout à l'heure, il y aura des trucs avec des insectes. Si on arrive, et vu qu'on est arrivé à 8000 likes, on a fait 1 million d'euros. Anaïs, vas-y, ma chérie, à toi. 1 million. Ils peuvent gagner 1 million de popcorn. Potentiellement. Potentiellement. Anaïs, à toi. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut ma chérie. France. Ça va? C'est moi qui suis malade et j'ai plus la pêche que toi, c'est pas normal. On y va. Allez Anaïs, pose salut la question. Salut Koé, salut toute l'équipe. Ok, d'accord. Et oui, je vous présente c'est la copine de démo. Oui, c'est d'accord. C'est Dory. Ça va Dory? Salut Koé, salut toute l'équipe. Allez, on recommence depuis le début. Vas-y, bonjour. Allez Dory, on reprend depuis le début. Ça va Dory? Ça va. Salut Koé, salut toute l'équipe. Allez Anaïs, à toi. Salut Koé, salut toute l'équipe. C'est la même voix à chaque fois. Non, mais c'est une mal. Allez, vas-y, pose ta question. Salut Koé, salut toute l'équipe. Moi aussi, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses du tatouage d'une de tes fans que t'as fait en ton honneur? Ah, il y a eu un tatouage de fan? Oui. Oui. En fait, c'est parce que j'avais fait marqué quelque chose sur le retour de son téléphone. J'ai écrit un petit truc. J'avais fait un cœur. Et le cœur qui était complètement dégueulasse, faut le dire, il était pas beau. Mais je l'ai fait et je lui ai dit, il est unique. Et j'ai mis 2 petits points dedans. Et elle est revenue sur d'autres dates parce qu'elle me suit sur les dates et elle est revenue, elle me fait regarde, je l'ai fait. Et je lui dis, elle me dit, je l'ai fait exactement comme tu l'avais fait. Ah ouais. Et j'ai fait un tatouage. Ouais. Ah, mais d'accord. Ça lui va très bien. Il est derrière l'oreille. Et je trouve tatouage que tatouage derrière l'oreille. Ouais. Ah ouais. Moi, une fois, j'ai dessiné un zizi sur le portable d'un auditeur. J'espère qu'il va revenir avec le tatouage. Il l'a fait sur le front. Non, c'est osé. C'est osé. C'est une licorne. C'est une belle preuve d'amour. Je trouve ça très très courageux de sa part parce que moi j'aurais. Je me ferai jamais tatouer, moi ça doit faire mal. Mais moi je suis pareil. Ouais. D'abord, je n'ai aucune idée, je ne sais pas quoi me faire tatouer surtout. Une fois, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, mais je ne sais pas quoi faire. Ça, tu n'irais pas un tatouage? Bah, qu'est-ce que t'en sais? C'est méchant. Oui, c'est méchant. Pourquoi ça m'irait pas? Pourtant, il est encore musclé et tout, ça irait bien. Bah, non, mais il y a des personnes quoi, qui bah ça non, va bah, et... si. Ça va pas, moi ça m'irait pas. Ça m'irait un tatouage à moi? Ouais. Bah, non. Tu sais pas comment c'est fait, un truc au-dessus de la fesse, ça peut être mignon. Oh, ça fait actrice de boule. Flèche. C'est par ici. Oui, pourquoi tu mets pas une flèche en disant hey? Là, tu peux, là, non. Allez, je te fais un bisou, Anaïs. Merci, Anaïs. Merci. D'accord, salut. Salut toute l'équipe. À bientôt. Léa, à toi, ma chérie. On y va. Et après, on se fera le titre en live. Léa, go, go, go. Allô? Oui. Allô? Coucou. Salut. Je voulais savoir, ça te fait quoi de voir qu'il y a toute la boutique sur Twitter qu'on tweet tous les jours? Ah bah, ça fait super plaisir. Il n'y a rien de mieux. Quand je me réveille, quand je me couche. Ouais. Dit, c'est ça? C'est eux qui ont trouvé le nom, c'est eux qui le portent, c'est eux qui le soulèvent. Donc, ouais. Et bah, écoute, c'est hyper plaisant. On n'est pas encore énormément, mais le peu qu'il y a, ils le font à fond et ils soutiennent à mort. Et moi, ça me fait super plaisir de voir les tweets, le soutien, parce que voilà, c'est du soutien. Ils n'ont rien en retour à part mes petits likes, mes petits retweets et mes petites réponses. Donc, pour tout le temps qu'ils passent à le faire, moi, je dis merci infiniment. C'est grâce à vous aussi si je peux faire autant de choses. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Tu peux dire un petit mot? Non. Si, vas-y. Je voulais dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment, c'est vraiment adorable. Et puis on t'aime. Et puis on va continuer à tweeter, à mettre des post-it partout dans toutes les villes. Et puis parce que Boosty, c'est que de l'amour et on t'aime. Ah, vous mettez pas des affiches, vous mettez des post-it? Ouais, en fait, c'est qu'il y a eu un hashtag. Boosty, c'est que de l'amour. Ils ont lancé le hashtag. Et il y en a qui l'ont repris, qui s'amusent à le reprendre. Et maintenant, s'amusent à mettre des post-it partout dans les villes avec le hashtag Boosty, c'est que de l'amour. Faut avoir donc ils envoient les photos. Non mais je trouve ça c'est super. Con, ça tient pas les post-it avec le. Avec non, le vent. Mais je sais pas comment on se débrouille. Peut-être d'aller sur les arbres. C'est original. C'est mignon. Dans les métros partout et ils envoient les photos. Donc je trouve ça génial et ça fait merci infiniment vraiment. Merci Léa, beaucoup. On se fait le titre en live ou pas? Allez, oui, c'est parti. Allez, Monsieur Boosty, mettez-vous en place. Je vous en prie, allez-y. Elle est bien cette chemise. Elle est belle. C'est pas mal, hein. Ah, il va bien, tu vois. Eh ben, je pensais que ça serait moche. Eh ben, c'est moche. Ouais. Mais ça lui va bien. Mais ça te va bien. Je pensais que ça serait moche, en fait. Et en fait, il porte bien un truc moche. Ouais. Ça, mais moi, j'aurais une catastrophe. T'arrives à rendre un truc moche beau. Ouh, merci beaucoup. Allez, faites du bruit. Voici Boosty qui est là. Cheers. Ça va, énergie, vous êtes chaud ou quoi? Allez. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we'll rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we'll rock the party. You're in my mind, everything's alright. Let's go, say. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faux, s'allier s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me sur énergie. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything is alright. Let's go, say. Moi je suis dépousseau, mais dû au manque de sommeil. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faux, s'allier s'aimer dans un effet de foule. Hey. On est toujours l'énergie avec Koé. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens qui écoutent pas énergie. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter. Et les amis, ça vous dit on tape le plus fort possible dans ses mains sur énergie. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, sur énergie. You're in my mind, everything is alright. Merci à toute l'équipe de Koé pour cette magnifique chemise hawaïenne que je porte actuellement. Gentiment offerte par vous, donc merci beaucoup. Merci à Koé, merci le public. Et oui, maintenant, nous rhabillons nos invités. C'est un nouveau truc dans l'émission. Saluons la demoiselle qui était derrière Boussy, qui a fait la danse du kangourou pendant approximativement 3 minutes. Non, mais qui connaît la chanson par cœur. C'est que sauter dans tous les sens. C'est quoi ton prénom? On allume le micro, les gars. Attends, on rallume le micro. Qu'est-ce qu'il y a? Je chante super bien, donc j'aime le son, donc c'est obligé de bouger en boîte et tout. On peut pas mais rester. Tu la connais par cœur, tu connais les paroles? Mais je l'écoute tout le temps et je le suis sur Twitter, Facebook et tout ça. Et je l'ai rencontré chez le Mad Mag Energy 12. D'accord. Wow. Merci. Et elle chantait. tu la connais, la chanson? Pas par cœur. Moi, je voyais les lèvres bouger, mais pas dans le bonheur. Vas-y, on va la chanter ça, vas-y. Ah ouais, c'est pas là, on peut pas le mettre là-dessus. C'est pas comme Boosty. Allez, mais si, essaye. Chantez-la ensemble. Ouais. T'es prête? Allez, ensemble. À mon tour, ici? Ouais, vas-y. Un, deux, trois. Pas si vieille que ça. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Non, c'est bien, on y est. Continue, arrête, c'est bien. On s'en fout, on est entre nous. Moi aussi, je suis pas une chanteuse. On est comme à la maison, arrête. Comme une force, les gars. Imagine, t'es sous la douche. Ouais, t'es sous la douche, ferme les yeux. Avec Boosty. Ferme les yeux. C'est mon la chemise hawaïenne sur le torse. 3, 4, oh, Loris qui vient m'hyper. Ça s'est pas entendu du tout. Loris qui vient m'hyper. C'est qu'il y a un micro là. Fais la chemise danser aussi, c'est bien. C'est que ça fait DSK ce que tu m'as fait. Vas-y, fais la chemise danser. Tu dansais bien. Je t'ai snappé pendant que tu dansais. Sérieux? Danser, tu sais mieux que chanter ou pas? On va vérifier. Elle t'a chippé. Vas-y, ça y est. Allez, c'est parti. Danse. C'est parti. Un petit cordon. Elle repart en dansant, ça passe. Mais j'aime bien, elle est de bonne humeur. Merci ma chérie, c'est adorable d'être là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est son corps. C'est son son. C'est son son. C'est son. C'est son sang qui booste. Bah oui, ça fait plaisir, boosty. Merci beaucoup. C'est son sang qui me booste. C'est boosté, mais c'est son sang qui me booste. Ah, c'est ton sang qui te booste. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? On a le temps. Ah, dans un instant, on reviendra après la pub. Oui. Oui, vas-y. Où je me prends le public tout de suite. Qui sait parler anglais dans le public? Parce que à chaque fois, il y a du français et de l'anglais dans tes chansons. Ouais. Oui. C'est vrai. Là, par exemple, ça dit quoi? En français, c'est extrêmement ridicule. Ah, bah ça dit quoi? Souvent, les chansons. C'est les plus grands, on fait des chansons. Voler comme un oiseau. C'est vrai? Ah, c'est vraiment pas beau. Mais pour beaucoup de chansons, on va faire la fête. Vole comme un oiseau, tu sais ce que c'est dans le sens où voilà. Attention, on a quelqu'un qui veut nous dire bonjour. Salut Koé, salut toute l'équipe. Qui sait parler anglais dans le public? Personne. Un petit peu. Tiens, passe-moi le mec là, à côté de la dame qui dansait. C'est quoi ton prénom? Oui, ouais. Bonjour. Tu parles anglais? Ah, a little bit, yes. Passe ton micro. Mais non, je parle trop bien, tu parles trop bien. Passe-la de celle qui est devant là avec après, ça veut rien dire. Tu peux vous parlez comment? Tu parles anglais toi? Non. Pas du tout? Oh, minimum quand même. T'as pas bossé à l'école, t'as rien branlé. Tu as les cours d'anglais, t'allais où? À l'école. Bah alors. T'as bien une base, non? Allô. Un petit peu. Voilà. Ça y est, ça va, ça. Tu sais faire. Hello. Tu sais louer une chambre d'hôtel si on va à Londres. Ah bah nickel. Ah bah nickel. On appelle Londres. Prends le micro. On appelle Londres. Tu vas leur dire que Boosty va à l'hôtel. Tu veux une chambre pour demain. Si. Ah bah si. Demain c'est tomorrow. Chambre c'est room. Ouais. Et Boosty. Et please. Boosty c'est Boosty. Ok. Top, on a le temps, on a deux minutes. Appelez-moi le London à Londres. Ok? London à Londres? Ouais, le. Oh, Julie, s'il te plaît. Oh, t'es malade, ça. Commandez? Tu me donnes une chambre. Réservé? Boosty, demain, imagine, il va à Londres. Good evening, thank you for calling the iconic Marriott County Hall. This is Natalia, how may I help? Hello? Bah, enchaîne, cool chaîne. Allez, vas-y. Vas-y. I want to break free. Check room. Tu veux checker la room, t'es sûr? Voilà. For Boosty. Hello. Allez. Concentre-toi. Oui. Elle est en ligne. Hello. Hello. Apprenez l'anglais avec Koé. How can I help? I'm sorry, I am with a tubé. Elle va y arriver dans deux minutes. Elle va y arriver. Elle a toujours pas dit hello. Non. Si elle a dit hello. Vas-y. I want to. Yes. Check. Uh-huh. A room. For Boosty. The rate for the rooms, is it? Yes. Ok, sure. Et ce qui est bien, c'est que tu mâches ton chewing-gum en mode classe. Okay. Classe. Sorry, sorry. Let me just put you through to reservations. Tomorrow. Sinon, tu veux faire agence de voyage dans le comité? Parce que ça a l'air bien parti, ça peut être sympa. Hein. Tu veux faire quoi plus tard? I'm so sorry, I can't hear you if the phone is on the speaker. No, I'm so sorry. But okay. English. She speaks English, but she has a bad level, you know. You know, I'm so sorry for her. We try it, but it's impossible. Mm-hmm. Right, so let me put you through to a reservation so they can check the rates for you. Oh non. Non. Non, it was for Boosty. Boosty. Say hello Tatiana. Son name is Tatiana. Hello Tatiana. Entendu, d'accord, merci. She needs your credit card par contre. Hein. C'est un 5 étoiles. Hein. Elle te dira bonjour quand tu auras ta carte. Sorry, I cannot hear when everyone is speaking. So sorry. You are Tatiana? Excuse me? Are you Tatiana? Non? What is your name? Oh là, tu fais chier toi aussi. Ah, casse les couilles, je suis malade ce soir. Et puis tout à l'heure, c'est. Okay, oh, attends, tu parles français, parles anglais. C'est pas des fois, c'est trois fois que je demande son nom. What is your name, please? C'est comment votre nom? To ensure high quality. Ah bah tant pis, but you know what? We doesn't want to sleep. C'était le Marriott, we go to the Carlton. Voilà. Tant pis, madame. You lost a famous client. Ouais, oui, a famous guest. Today's experience, please ask to be transferred. Ah, c'est pire que tout. Reste avec nous, Boosty revient dans deux minutes. A tout de suite. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est comme ça. Selon une étude scientifique, il s'agit de l'aliment le plus efficace pour lutter contre le froid. D'après vous, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est bon? Non, j'en ai mangé peut-être une fois dans ma vie, moi, donc je peux pas trop te dire. Glandu? C'est un légume? Je crois, oui. De la betterave? Non. Ah. Je vais vous l'annoncer. Ouais. Le quinoa. C'est divin le quinoa. Ah ouais. Divin le quinoa. Ah, c'est hyper. En salade avec de l'oignon rouge, de l'avocat, un peu de vinaigre balsamique. Oui, bah quand t'as plus le goût du quinoa, c'est ça. Ah oui. Rendez-vous demain 6h 9h30 sur Énergie. Forfait mobile 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Le 19 octobre, retrouvez Énergie au Parc Astérix. Gagnez des places pour assister à l'émission de Manu dans le 6-9. En direct du Parc Astérix avec Énergie. Salut, c'est Manu de Manu dans le 6-9. Écoutez Manu de 6h à 9h30 sur Énergie. Chaque matin, Manu vous offre des places pour vivre l'expérience inoubliable de Peur sur le Parc le 19 octobre. Énergie, it's music only. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération Super Pouvoir d'Achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va mon héros, va chez Leclerc. Salut les geeks, c'est Kevin Razi. Avec Energy Games, tentez de gagner vos entrées pour votre salon, la Geeks Live. Retrouvez toute l'équipe sur le stand Energy Games avec au programme de la high-tech, des tournois Street Fighter V et Clash Royale et bien sûr plein de cadeaux. Jouez sur energygames.fr et rendez-vous mercredi 12 octobre au Carreau du Temple à Paris. Energy Games, play again. Jouez encore. Jeu jusqu'au 11 octobre 2016 et règlement sur energygames.fr. En partenariat avec Alcatel et sa gamme Idol 4, livré avec un casque de réalité virtuelle offert. Ce soir, Boosting s'installe chez Koei sur Energy. Boosting, notre invité ce soir. Encore une fois, hein, pardon pour le rythme, hein, mais je suis un peu fatigué ce soir, je suis malade, j'ai de la fièvre et tout, mais je voulais être avec vous ce soir. Je suis resté couché toute la journée, mais je me suis dit, il faut que je sois là avec vous. J'avais pas envie de ne pas venir. T'imagines, j'aurais annulé, on se voyait pas. Ah, j'aurais pas été bien. Bah, je sais, donc voilà, rien que pour ça. Ça va, merci. Julie, Oh, génial. Faut allumer les micros, hein, les amis. Collerette. Julie, on t'a mis une petite collerette. Oui, bon, Pierre, petite collerette. Ouais. On t'entend très mal du coup. Oui, hein. Petite collerette. Oui, il paraît. Pourquoi on leur a mis un petit collier de chien? Parce que ton morceau s'appelle comment, Boosty? Popcorn. Alors écoutez-moi bien. Je vois pas le rapport. Hein. Nous avons pris trois énormes sauts de popcorn. Oh là là. Nous allons vous les mettre sur la gueule. Ce qui fait qu'à un moment donné, on verra plus votre tête. Ah non. Ah, génial. Le but du jeu, c'est de manger le plus vite possible pour que votre test réapparaisse. Mais les gars, je suis une fille, je peux pas manger tout ça. On aurait pas dû manger avant. Eh bon, bah, c'est tout fait. C'est un Koh-Lanta, mais de la bouffe. Ouais, c'est un Koh-Lanta sympa. C'est un Koh-Lanta sympa, c'est ouais, exactement ça. C'est ça qui est bien. Alors attention, moi je vais m'occuper de Guéguette. Mais c'est impossible à manger, les gars. Alors par contre, faites attention que ça tombe pas dans le coude. Essayez de bien caler votre tête. Voilà, vous avez plus besoin de vos mains. Avec vos mains, vous tenez la collerette. 3! Attends! Le plus droit possible. Hein. Hey, mais on va étouffer! Voilà. On va étouffer! Non, personne n'est mort dans du popcorn, Julie, ça s'arrête. Je te jure, j'ai lu les journaux hier, ça n'arrive pas. James Bond, faites attention, essayez de bien tenir pour que ça se barre pas dans le cou. Hein. Ouais. 3, vas-y, 2, 1, c'est parti. Fly like a bird, you know what about it! Guéguette, oh, les beau. Pauvres! Très beau! Alors. Ah, Julie! Julie, on voit un popcorn qui bouge tout seul! Prenez des photos, les amis de Julie! C'est le. Julie, c'est fantastique. Piette, faut manger. Hein. Oh Guéguette, faut manger, pas faire ça. Non, mais Julie, c'est fantastique. Regarde. Attendez. Moi, je veux aller comme si j'étais au cinéma à côté de Julie. C'est ça. Ah, merci. Ah, c'est magique. Eh, c'est magique. C'est énorme. Tu vas au cinéma à côté de Julie, t'es comme ça, tu regardes un film. Fais loin, donc j'étais en train de dire. Julie, mange pendant ce temps-là. Je vais te parler. Comment tu peux manger et parler? Peut-être il va y arriver. Hein. Oh, le. Non, j'ai fini. Peut-être aller gagner. Hein. J'ai fini. Qu'est-ce qu'il y a, Pietre? Je crois, Pietre, que t'as pas fini encore. Vous savez quoi? On dirait une torture japonaise au temps des samouraïs, mais en mode cool. Bon, les gars, le premier qui finit son popcorn et qui est pas mort. Regardez, il bouffe, le popcorn il bouge. Mais j'avais fini, moi. Ça va, Julie? On ne t'entend plus. Comment? Je rappelle que bien sûr aucun popcorn n'a été maltraité, hein, je le dis, ce ne sont que des popcorn cascadeurs. Bon bah c'était une tuerie. Si on a du public qu'on fait. Alors, c'est fini, oui, de jouer les enfants. Je coupe. Vous avez fini de jouer? Excusez-nous, hein, monsieur Bousty. Hein, moi, j'adore. Nous, tiens, c'est génial. Je suis là pour la peine. Pendant ce temps-là, il y a du popcorn pour tout le monde. Ça, c'était le premier. C'est génial. Vous avez fini de faire du bruit. Qu'est-ce qu'il y a, Julie, encore? Mais là, tu fais une photo, il me soulève le popcorn, il me le met dans les yeux. Oh là là, du popcorn dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai un coincé dans l'oreille. Ça va aller, les gars, ça va aller. Pour l'instant, asseyez-vous parce que c'est avec le public qu'on va dire au revoir. Pendant le temps qu'on s'installe, Sophie, pour Bousty, vas-y, ma Sophie. Et après, on aura Guillaume. Sophie. Salut Corée, salut l'équipe. Salut, salut Bousty, salut le public. Salut. Salut, ils ne t'entendent pas, ils n'ont pas envie de te. D'accord, oui, bah, je vois bien, merci, je fais du avant. Salut Corée, salut toute l'équipe. Allez, vas-y ma chérie, à toi. Question. Je voulais savoir si on pouvait dire que tu as réalisé ton rêve de gamin ou s'il sera réalisé à la sortie de ton album ou de ta tournée solo. C'était du coup, parce que oui, c'est la musique, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Ouais. Du coup, ça fait depuis un moment que je le vis à fond. Donc, on parle pas la bouche pleine. Hein. C'est vrai. Excuse-moi, je mange du popcorn actuellement. Et du coup, d'accord. Oui, Sophie, bah oui, non, mais carrément, ça fait. Non, non, le rêve, il s'est réalisé depuis un petit moment déjà. Je m'éclate grâce à vous. Donc, oui, oui, ça fait un moment qu'il s'est réalisé. Bon, impeccable. Ouais. Tu peux rajouter quelque chose? Bien sûr. J'ai le mec qui dit non à chaque fois. Mais vas-y, ma chérie. Je voulais juste ajouter, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou peu Bousty, je voudrais leur dire d'aller voir ses vidéos sur YouTube, que s'ils passent près de chez eux en live, de courir le voir, car ouais, sur scène, on voit qu'il aime ce qu'il fait. Mais c'est ta mère ou... Ah non, je la connais. Ah, et, en plus d'avoir du talent, c'est vrai qu'en or, et Bousty, c'est tout d'amour. Merci voilà. Beaucoup. Je viens de comprendre pourquoi d'habitude on ne sert pas de popcorn aux invités. Le bruit, en fait. Ah, c'est chiant. C'est le bruit. Au cinéma, ah, c'est déjà chiant. Ouais. Allez, bisous, ma chérie. On finit par Manon, parce que Manon, on l'attend depuis tout à l'heure. Manon. Non. Salut Chloé, salut Vicky. J'adore salut le Bousty. Bruit. Salut. Vas-y, Manon. C'est trop bien. Alors, arrêtez ce bruit, là. Oh, je deviens ouf. C'est trop bien. Vite, après, il y aura des cadeaux pour le public. Allez, go. Si tu devais choisir entre tes chansons pour ne chanter quelle, tu prendrais laquelle, que ce soit connu ou non, que ce soit un Bousty Monday ou. Popcorn. Attention, il est malade. La dernière. Ouais, je l'adore. Ok. Voilà ma puce, je te fais un bisou. Merci il a envie beaucoup. D'en manger, Bousty, ouais. Il se retient. Avant qu'on fasse le jeu du public, j'appelle quelqu'un pour le double hit, quelqu'un qui va venir voir Soprano en concert à Paris. Et ensuite, je vais tirer des noms au hasard dans le public. Vous comprendrez pourquoi. Jusqu'à 1 million d'euros à gagner, une tablette, une semaine de bouffe. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la semaine de bouffe? Bah, t'offres à dîner tous les soirs à l'auditeur. Je vous invite. Moi? Ouais. Ah merde. Coralie? Oui. As-tu envoyé un SMS pour venir voir Soprano? Oui. Tu sais qui c'est qui t'appelle? Oui, Chloé. Si je te dis que t'es la gagnante du double hit? Oh là là. Oui. Oh là là. Oh, ma chérie, c'est bon, tu vas venir voir Soprano. Merci. Tu fais payer transport et hébergement ici à Paris, à la Tour Montparnasse. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Merci. Bisous ma puce, à bientôt. Coralie, t'habites où? T'habites à quel endroit? J'habite à côté de Valence, à Chaveuil, dans la Drôme, pas trop connue. Non, je te confirme. T'embrasse. Voilà. Bisous Coralie, à très vite. Bisous ma belle, bisous. Continuez d'écouter Énergie, le double hit qui peut tomber n'importe quand. Mais pour l'instant, monsieur Bousty, vous allez assister à la fin avec le public. Le principe est simple ce soir. Je suis malade, donc j'ai pas fait grand chose. Il y a des gros cadeaux à gagner pour le public. Il y a donc une semaine de bouffe, il y a une tablette réellement à gagner. Peut-être 1 million d'euros à gagner. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est des tickets à gagner. Hein, vous l'aurez mais pour cela, il faut aller les chercher. Et pour cela, il faut aller les chercher dans une énorme boîte qui va rentrer sur le plateau, dans laquelle il y a des tas d'insectes, des blattes, des vers. Voilà. Et peut-être un scorpion, ainsi qu'une veuve noire. Et un anaconda. Ma plus grosse phobie, c'est ce genre de truc-là. C'est vrai? Mais tu peux jouer. Non, merci. Alors, des vers et tout. Le principe, c'est que vous allez me dire comment je vais déterminer les gens du public. J'ai ici une urne avec tous les prénoms du public. Et je vais prendre un nom. Public, concentrez-vous, votre nom peut sortir. Si votre nom sort, vous vous levez, vous vous approchez de la boîte et vous allez chercher un papier dans le fond. Thibaut, c'est fini? Thibaut, tu peux jouer avec tes amis les blattes? Tous les petits trucs blancs, c'est des bêtes. Tout est vivant. Ah oui, il y a des vers. Tout je rappelle vivant. Que rien ne sera gâché puisque nous les mangeons après l'émission. Évidemment, avec les pop-corns. Est-ce que je peux t'en... en sandwich. Qui a préparé ce jeu? Ça se mange, ça en plus. C'est Thibaut, c'est qui? Ah oui, c'est Thibaut. Ouais. C'est Thibaut. Ouais, c'est bravo Thibaut. C'est très gentil d'avoir mis une urne dans laquelle je peux pas passer ma main. Je voyais tout à l'heure, je le dis. Vraiment, c'est. Alors, retourne là. Hey. Ah, mais si maintenant tu l'as mise, mais tu peux plus la sortir. Voilà. Attention, vous avez compris à l'appel de votre nom, vous vous levez. T'as vu le bruit que t'as fait? T'as posé le micro sur le papier, écoute. Enfin, bruit. On dirait que tu marches dans la neige. Isabelle. Oh, mais... oh la danseuse. Ah, la pauvre. Isabelle, tu viens, tu mets la main dedans, tu tires un papier. Vas-y, Isabelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux gagner. Allez, les micro, cadeaux de micro contre la bouche, hein. Vas-y. Allez, on y va. Allez, on met la main dedans. Allez. Allez, vas-y, Isabelle, allez, Isabelle. Tu peux le faire. Allez. Tu peux le faire, Isabelle. Allez, Isa. Allez, Isa. Tiens la boîte. C'est bien, Isabelle. Attention, il y en a une qui monte, là. Ah, il y en a une qui monte sur le bras. Ah, mon Dieu. C'est bien, Isabelle. Oh là là. Partout. Isabelle, faut, c'est pas les... Ah. Les stagiaires sont aussi courageux. Mais remets-le dedans. La pauvre. Isabelle, tout le monde va en embarquer. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le papier, Isabelle? Il y en a une qui se barque. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le papier? Ah, tu sais pas. Ben, c'est pour toi. Ben, tant que t'as tiré le papier. C'est ton cadeau, regarde. Allez, j'en prends combien? Prends-le. Le... Je prends combien de personnes, Loris? 3. Allez, allez, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Repas offert pendant une semaine. Eh ben voilà, ah bah voilà. Ouais, ouais, merci, merci. Allez. J'appelle maintenant Yasmina. Yasmina, elle y va d'un pas convaincu. Ouais, elle a pas l'air d'avoir peur. Hein. On va chercher son papier, Yasmina, on plonge la main dedans. On les connaît personnellement, les insectes, ils ont signé une décharge avant, ils ont promis de pas mordre. Allez, on y va. Allez, Yasmina, allez. Oh, elle y va, tiens, elle y va d'un coup, là. Allez, ouais, ouais, ouais, ouais. Oh, ça monte, je vois la bête qui monte. Il a encore plus flippé. Yasmina, c'est un ticket à gratter. Regarde derrière toi, Guillaume. Tu vas gratter, si c'est 1 000 000, ce sera cadeau. Voici le dernier. Ah, le dernier, c'est la tablette, alors. Deux derniers, ouais. Il faut que tu le grattes, hein. Loïc. Ah, rentre dans le sac à main des gens. Allez, Loïc. Allez, t'es pas le bonhomme, là. T'es un bonhomme. Allez, t'es un bonhomme, il va monter. Non, tu fouilles pas, tu mets la main. Plonge la main. Non, plonge la main, ça marche pas, ça. C'est une bonne technique. Mais il y en a pas, il y en a plus. Elle est interdite, celle-là, tu plonges la main. Il y en a plus. C'est pas les boules de motus, hein. Ah, bah ça va, c'est un bonhomme, en fait. Une tablette. Ah, bah non, ça marche pas. Vous êtes sérieux? Ah, c'est le jeu, hein. Mais non, le jeu, c'est pas de faire ça, c'est trop facile. Allez, voilà. Tu le remets maintenant. Non, ça tiendrait qu'à moi, oui. J'aurais dit non. Mais bon, vous êtes trop généreux. Une tablette, il a fait... Il a... C'est pas normal. De toute façon, on va pas faire 1 000 ans là-dessus non plus. Le dernier. Et là, ils sont énervés, les insectes. Suspense. Là, ils sont... Mais qu'est-ce que t'attends? Je triche totalement. Il y en a qui font des pecs. Flora. Ah. Allez, ma Flora. Ah, Flora, vous voulez pas passer. On fait pas ce qu'il a fait, hein. On met la main dedans. Oh putain. Allez. Allez, on dit ce qu'on ressent. Ouais. On dit, pour ceux qui nous écoutent à la radio, dis-nous ce que tu sens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? C'est dégueulasse. Putain, mais y'a rien. Si, si. Non, mais ça monte sur moi. Ah, ça monte sur ton bras, fais gaffe. Elle met pas par terre. C'est la panique dans le studio. Eh, on les écrase pas, on les reprend. Ouais, on les remet. Si, si, il y a peut-être plus, remarque. Bousti, si, ça te fait c'est où, putain? Bah, c'est ma pire phobie. Non, non, c'est Bousti va t'aider. Bousti va t'aider à chercher le dernier. Il va dire c'est sa pire phobie. Enfin. Allez, vas-y. Je l'aide. Allez, bon, vas-y, tu mets la main. Attends, il va t'aider. Bousti va t'aider, il va mettre sa main, c'est un bonhomme, il a peur de rien. Regarde. Vas-y. Non, je suis désolée. Vas-y, mets la main dedans, t'es un bonhomme. Alors. Allez, on met la main dedans. Ah, c'est vraiment ma phobie. Allez, moi. Enlevez le couvercle, peut-être. Enlève le couvercle. Allez, on y va, on met la main dedans, on se fait plaisir, on cherche le petit papier pour offrir à la Flora. Allez. Ah purée, quand même, hein, c'est quelque chose là. Hein. Ah là il y a là. Beaucoup quand même. Il y a du pop-up. Allez, allons-y. Par terre. Allons-y. Ah purée. Attends. Ah, c'est bien. Ah, Le salope, c'était pour les insectes. Non, oui, mais sans toi. Les gens qui écoutent comme ça, ils peuvent trouver ça bizarre. C'était... Purée, j'arrive pas. Hein. Ah, doucement, c'est doucement, sinon ça va sortir. Sur cette séquence d'émotions que nous allons vous quitter. Ça s'accroche à moi. Le temps qu'on trouve. Ah, je l'ai écrasé. Cadeau pour la demoiselle. Ah, parce que ça s'écrase. Faut pas les écraser. Ah, purée, salope. Ce purée viril qu'on a eu. Très très beau purée viril. Merci. Je suis désolé, excuse-moi. Très bonne nuit. On va revenir demain. Je vais me soigner. Faites attention au virus. Prenez pas froid. Bisous l'équipe. À demain. On est en retard. Bisous à demain. Ciao, ciao, ciao. Je reviens demain dès 19h sur Énergie. Les deux meilleures heures de la journée. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez sur Énergie. Binta, binta. On va l'écouter en entier l'Onzo tout à l'heure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé la bonne journée. Comme chaque soir, 22h 8 ce soir, on prend l'antenne. Et j'espère que vous avez passé les cours là. Ça s'est bien passé cet après-midi. Si vous voulez venir, si vous arrivez un truc au collège, au lycée, si vous arrivez un truc à l'école, ou à la fac, au bahut, vous voulez venir délire avec nous. Si vous arrivez un truc au boulot, vous êtes les bienvenus. Le soir, si vous êtes peut-être au travail d'ailleurs, en train d'écouter l'émission à 22h08, on se fera Alonso, on se fera tout le plus gros hit. Si y a un morceau qui vous fait plaisir, vous me le dites. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. On va inviter PNL bientôt là. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. On a invité Jeff Panaclock la semaine dernière. On invite tout le monde. J'aime ici. Hein. Voilà. Tous les mecs ont du talent, sont les bienvenus. Donc avec plaisir, on le fera la semaine prochaine. Sentiment glacé. On se fera Gims et Jules. De la foi, je suis le chasseur de la poire. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. On se calera plus, tous les plus gros hits. Hein. The Chainsmokers aussi qui défonce Closer, on se le calera. Guillaume au début du texto, et vous le balancez hein, si vous découvrez l'émission aujourd'hui, c'est le principe. Voilà, vous balancez au 6, 11, 12 le texto. Il faut juste que ça commence par Guillaume pour qu'il arrive dans le studio. Guillaume et votre message au 6, 11, 12. Une petite dédicace. Je t'adore, t'es le meilleur, je t'écoute depuis 3 ans. Reste comme t'es, salut mon Tom du 71, gros bisous à toi. Seras-tu présent au Enema cette année? Au passage, merci pour tout. C'est J'aime sur Twitter. Oui, on va venir cette année au Energy Music Awards. Si tout va bien, hein, s'il n'y a pas de vol annulé ou quoi, ou de visipirate chelou et tout, normalement on est là, sans problème. On fera même l'émission le vendredi soir, mais c'est pas confirmé, donc vu que moi je suis un peu naïf et je lis directement les SMS, je réponds. Normalement, c'est pas confirmé, mais normalement on devrait venir, j'espère en tout cas, faire l'émission là-bas. Ça sera le 11 novembre, pile poil, donc c'est un jour férié en plus, donc du coup bah, on peut venir. Big up à toute l'équipe, enfin c'est à vous. Fait chier de passer son émission, merci beaucoup. On sort du jour du 30. Salut frérot, c'est parti du coup. Hein. Nous on est là en direct en plus, donc voilà, il y a eu du foot aujourd'hui. Ceux qui ont suivi le match, je vais vous présenter toute l'équipe si vous la découvrez aujourd'hui. Guillaume au début, et vous balancez votre message au 6 11 12 pour une petite dédicace, un petit message ou quoi. Richard, t'es le meilleur depuis 3 ans. Merci mon Tom, merci Gaëtan Daudruic. Amandine de Sommin et à toute l'équipe, c'est qui le papa? Salut Amandine. Le meilleur moment de ma journée, c'est le soir quand vous arrivez. Eh bah, gros bisous à toi. J'ai eu mon putain de plateau moto. Ah bah, bravo Erwan, c'est le début du permis là. J'ai vu sur YouTube la taille de votre studio, c'est assez minuscule pour la première émission de France. Ouais, mais tu peux faire de la bonne radio dans un petit studio, c'est pas grave. Et c'est pas plus ton studio est grand, plus il y a de monde. Hein. PLL, c'est la base. Bonsoir à toi, vous êtes des fous, je kiffe. Bonsoir à Loïc et Didier dans 54. À la prévenue, tout le monde, les mecs, au collège, au lycée, quand vous êtes demain au bahut et tout, passez le message, les mecs, on se retrouve de plus en plus nombreux chaque soir. 22h à minuit, Guillaume Radio 2.0, l'équipe est très facile à comprendre. Ensuite noir à capuche, j'ai un stagiaire. Ouais, je suis là, salut Guillaume, salut tout le monde. Voilà, ensuite bleu marine à capuche, Guillaume du standard. Salut Guillaume, salut à tous. Vous faites exprès, vous habillez toujours. Ah, il n'y a que des capuches. On dirait une blague. Ouais. Ensuite gris, reste tes capuches, Flo des cadeaux. Salut tout le monde, salut Guillaume. Ça va Julia? Salut Guillaume, salut tout le monde. Je t'ai pas dit en première parce que en fait, Flo des cadeaux est habillé aussi ensuite. Ouais. C'était plus, pour ma blague, ça marchait pas. Ma blague n'était pas. Vous êtes une deuxième famille pour nous. Merci beaucoup Camille, gros bisous. Bonjour à toi, ma chérie. Merci pour les messages. Voilà. Camille, vous tous, vous êtes à la maison ici. Voilà, vous voulez balancer une dédicace, vous le faites, c'est votre radio. Bah, vous voulez venir parler d'un truc, vous le faites, c'est votre radio. vous voulez venir chier sur quelqu'un, vous le faites, c'est votre radio. Non, mais si vous voulez venir en tout cas raconter un truc un peu marrant aujourd'hui, il nous arrive tous des trucs un peu marrants. Là. Attends, il y a Julie qui appelle de Rougeant dans le 34 d'ailleurs, là, pour commencer l'émission de ce soir. Et puis on fera le jeu des faits divers ce soir. Flo des cadeaux nous racontera une dizaine d'histoires de meurtres. Il faudra savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Vous jouerez à l'antenne avec nous. Flo des cadeaux sera sur un thème en particulier ou pas? Un spécial couple. Entre mari et femme. Ouais. Entre mari et femme. Ah merde. Et ils se tuent, genre. Ah, il y en a des trash. Ah, c'est vrai ? Ah, de ouf. Ah, de, ah, plus qu'à l'habitude ? Ah, mais plus que d'habitude. Eh ben, très bien. Et on voit l'amour. On voit l'amour. Ouais, ouais, on se fera Pitbull et Florida aussi. Green Light tout à l'heure sur Energy. Enfin, je vous attendais. On a récupéré des cadeaux, Flo, des cadeaux, justement. Ouais. Fais ton travail. Il y a des PS4, des Xbox One et des tablettes Samsung Galaxy Tab E. Il a du mal à parler, ce soir. Ouais. J'ai failli. C'est pas des PSP qu'on offre, mais des PS4. Voilà. Ah, oui. Des PS4, c'est des PSP, PS4, des Xbox One et des tablettes Samsung Galaxy Tab E. Ça, c'est pour les premiers cadeaux. Il y a le W8 en plus qui veut tomber. Tout compris pour aller au concert de Soprano à la Tour Montparnasse le 28 octobre. Voilà. Donc, on vous file ça avec Soprano. Il sera avec nous jeudi, d'ailleurs, pour animer l'émission jeudi soir. Donc ça va bien rigoler aussi, 22h minuit. Si vous connaissez un sosie de Soprano, là, ah bah oui, j'ai mis un message sur Facebook. Est-ce qu'on a eu des messages de sosie? Non, pas des bons. Non. Il nous faudrait un bon sosie. Ouais, vrai. Il faudrait un vrai bon sosie. Il ressemble. Pour l'émission, vous serez les bienvenus. Ça, on va faire un truc. Émission en public en plus, spéciale Soprano. Ah ouais. Donc s'il y en a qui veulent venir en public, vous pouvez vous inscrire par SMS. Voilà. Vous envoyez Guillaume un espace et public avec votre numéro là au 612. Je vous appellerai demain après-midi, puis on va commencer à caler les premiers dans le public avec plaisir. Il y a combien au match alors ce soir? J'ai un stagiaire, il y a un match de foot. 1-0 pour la France face aux Pays-Bas, but de Pogba. Voilà. Il reste 25 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais. Déjà 3 ans et demi que je suis avec ma meuf Laura, 2 mois qu'on habite ensemble, je t'aime ma chérie. Bah, bravo à toi, à l'Institut Lemonnier, à GG dédicace à l'Aveyron. Chérie du 59 qui écoute aussi, bonsoir au chérie du 59. Je me suis blessé, mais vous me redonnez le moral. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Et je te kiffe, mais tu m'as fait retrouver le soir et tout. Merci beaucoup à mon fils Clément, tourné qui écoute la radio. Bisous, je t'aime, mon fils. Bah, c'est mignon ça. Salut. Salut, Jordan du 93 aussi. Et les potos en première radio de France à partir de 22h, les mecs, si ça se passe. Donc, si vous voulez passer une dédicace, bah, n'hésitez pas. Hein. C'est pas notre radio, c'est la vôtre. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Guillaume, El Texto, aussi 612, Pitbull, Florida. Et puis Julie. Tu m'entends, Julie de Rougen? Elle est là. Allô. Putain, à l'ancienne quoi. Ouais, salut. Oh, c'est vieux ça. On se fera Alex Ayono. Mais c'est le regard jamais. Mais il y a un problème. Je crois qu'il y a un truc qui fait, c'est pas le bon son. Elle me fait. Attends, c'est un remix, non? Il y a Style à Manassé, non? C'est pas ça, non? On dirait un chant Disney. Mais si, je crois que c'est ça, non? Mais c'est le regard. Non, attends, c'est pas ça. Alex, c'est la reprise de Drake, tu sais. Attends, mais. Ah, oui, One Dance. Attends, mais il y a. Attends, ça c'est Shawn Mendes. Ah, putain, j'ai un problème de CD. Attends, mais c'est le regard. Mais si, c'est ça, Alex.